Vous ayez peur d'être minoritaire culturellement. Non, mais n'ayez pas peur de ça parce que ça va se passer. Tous les études démontrent que les migrants dont vous parlez s'intègrent et deviennent d'une certaine façon plus français que les Français. C'est eux qui ensuite assument les vertus françaises. Moi, personnellement, cette théorie du grand remplacement, ça n'est pas la mienne. C'est une théorie qui est fantasmatique, conspirationniste, raciste, raciste au dernier degré. Que Dieu tue les Blancs ! Que Dieu vous tue. Bonjour à tous, chers amis. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 2, épisode 46. Épisode 46. L'année touche à sa fin, c'est un numéro spécial Noël, pour un Noël tout blanc, hein, pour un Noël tout blanc. Alors je précise en fait que notre émission, comme c'est une émission spéciale, sera plus courte en fait, pas plus longue, elle sera plus courte, et elle n'aura qu'une partie en fait, tout simplement. Il y aura, on va en gros faire une rubrique autisme radical étendue, et on aura deux petits sujets de discussion qui se suivront. Donc voilà, je n'ai pas la durée de l'émission en tête exactement à ce stade, mais bon, une bonne heure, voire un petit peu plus, avec nos participants. On est en émission restreinte aussi, d'ailleurs. Alors, je vais commencer, je vais les présenter très rapidement, ça va pas traîner. Hein. Salut Captain America, comment vas-tu Captain ? Eh ben salut Gandalf, écoute, je vais très bien, j'espère que les intervenants ainsi que toi-même et nos auditeurs vont très bien, qu'ils vont tous passer de joyeuses fêtes d'hiver de fin d'année parce qu'on n'a plus le droit de dire Noël, hein, ce genre de choses, et que, bah, comme d'habitude, on va pouvoir clasher nos gentils co-religionnaires, on va dire, hein, dans cette fabuleuse religion qu'est la République. Et mes nègres, ils sont où mes nègres ? Ah oui, c'est vrai, et en avant les nègres. Voilà, en avant les nègres, en avant Guingamp. En avant Guingamp, le plus beau club de division. On dit plus division, on dit Ligue 1 maintenant. On dit Ligue 1. J'enchaîne avec Argyle, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Probablement inspiré par l'esprit de Noël aussi, je pense qu'il a envie d'être généreux. Hein, voilà. Salut Argyle. Salut, et ben, je suis très content de pouvoir souhaiter un joyeux Noël à nos auditeurs, un joyeux et saint Noël, une bonne fête de la Nativité. Alors je dis ça au cas où il y aurait des libres penseurs qui nous écouteraient. Vous savez, ces dégénérés ethno-masochistes, un petit bout de croix, ça les dérange, mais pas les prières de rue, pas l'allumage de chandeliers géants dans les rues, tout ça les dérange pas, les prières musulmanes dans la rue, tout ça, ben, c'est rien. Mais par contre, un petit bout de croix dans l'espace public, de la bière de Noël, tout ça, pour eux, c'est l'oppression catholique, car tout le monde sait qu'en France et en Europe, les gens sont oppressés par les religions catholiques. Voilà, donc c'était pour leur faire un petit coucou à ces gros enculés, et à leur dire que si un jour, malheureusement pour eux, nous arrivions au pouvoir, eh bien, nous les enverrons dans des pays islamiques où ils pourront pratiquer leur libre pensée comme ils l'entendent, et également lutter contre l'obscurantisme religieux là-bas. Je pense qu'ils y prendront du plaisir. C'est vrai. Et enfin, MacDav qui est avec nous, qui, je crois, a fait péter le champ, MacDav. Mais bien sûr, c'est Noël, c'est Yule aussi, et moi je fête une bonne fête de la Nativité, et également une belle fête des Lumières à tous les Blancs, et je leur souhaite qu'un blanc manteau de neige, et pas que, recouvre leur terrain en ces derniers jours. C'est vrai. Alors, comme je l'ai dit, rubrique numéro 1, autisme radical. J'ai pas fait les rappels, autant pour moi, il faut que je les fasse, les rappels. Vous pouvez nous envoyer des emails, bien évidemment, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru. Je répète, démocratie participative, @mail.ru. Alors, oui, j'ai du retard sur les emails, je suis désolé, mais j'en reçois trop. J'ai du retard, mais à coup pas, mais malheureusement, les journées sont trop courtes. Donc c'est très, je fais de mon mieux pour vous répondre. Je vous assure que vos emails sont lus. Quand vous nous envoyez une information, genre un article Voilà, je ne réponds pas systématiquement, parce qu'il y en a tellement qu'il faut que je suive. Donc si j'ai une coupure de presse, bon, je l'intègre. Je dis merci en général. Si jamais vous n'avez pas reçu de réponse, ne vous inquiétez pas. Si vous envoyez des vidéos ou des photos de ça, rassurez-vous, je réponds. Mais dites-vous bien, voilà, vos mails sont lus, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai, j'ai du retard, je fais de mon mieux pour rattraper le retard. Mais c'est vrai que c'est quand même tendu. Et aussi, allez sur notre site internet, démocratieparticipative.biz. Bon, vous le connaissez, ça va de pair avec l'émission, bien sûr, puisque c'est là où elle se trouve. Mais vous écoutez l'émission une fois par semaine. Donc n'hésitez pas à venir consulter le site plus régulièrement aussi, hein, tous les jours, éventuellement une fois tous les deux jours, tous les trois jours. Et surtout, faites-le découvrir à des amis. Alors oui, le site est un peu corrosif, c'est vrai, ça, c'est pas exactement Libération ou Le Monde. Mais enfin bon, c'est fait pour ça, c'est un peu abrasif, on va dire. Alors, on commence avec la rubrique numéro 1, Autisme Radical. Voilà, comme ça c'est dit, de toute façon c'est... On va commencer là-dessus, parce que c'est un peu le format de cette semaine. Et on commence... Ah oui, c'est bien ça. Éducation. Je pense que l'expertise d'Argyle devrait nous être utile, là. C'est l'annonce... Alors moi, j'ai découvert ça. L'annonce de l'abandon du passé simple par le ministère de l'Éducation nationale. De l'enseignement du passé simple par l'Éducation nationale. Alors, c'est un article du Point qui l'a mentionné, en fait. Alors, je vous donne juste la phrase d'introduction, parce que l'article était payant, malheureusement, et la partie qui était accessible, bon, effectivement, mais était une entrée en matière. Bon, rien de très intéressant à l'oral pour nos auditeurs. Donc, je résume, en fait, l'essence de l'article. Voici ce qu'il disait. « Par souci d'égalitarisme, les nouveaux programmes scolaires écartent le passé simple, un temps jugé trop littéraire et discriminant. » D'accord ? Alors, le passé simple, tout le monde connaît, hein, nous partîmes, voilà, bon, vous connaissez ce temps-là. Enfin, j'espère que vous le connaissez. Voilà. Et alors, voilà, on abandonne l'enseignement de ça. Alors, j'aurais des trucs à dire là-dessus, parce que moi, j'ai découvert, peut-être que je devrais le dire maintenant, en fait, comme ça, je vous laisse parler ensuite. Moi, j'ai été scolarisé vraiment, gamin dans les années 80, d'accord ? À l'époque, très honnêtement, le niveau était tout à fait décent. Hein. Et j'ai découvert, mais avec stupéfaction, qu'on enseignait l'imparfait. Enfin, je l'ai vu de l'aveu de professeurs. Hein. Enfin, de professeurs. Que l'enseignement de l'imparfait du passé simple était abordé maintenant en quatrième. En quatrième de collège. Alors que nous, on découvrait ces temps-là, c'était CE1, CE2, CM1. Honnêtement, je viens de l'apprendre, là. Tu viens de me l'apprendre. Mais je ne le savais pas. Je le savais. Bon, on m'aurait dit ça, je me dis, non, c'est une caricature d'extrême droite pour dire que le niveau s'effondre. Non, pas du tout. C'est-à-dire que maintenant, le passé simple, c'est du niveau de la 5e, 4e et 3e. Je me suis dit, putain, c'est fou. Et alors, c'est pas assez. Maintenant, il le bazarde. Alors, je vous donne la parole, mais c'est juste pour en entrer en matière. Mais j'ignorais que, en fait, pour ainsi dire, l'école primaire, maintenant, c'est le collège. En tout cas, peut-être pas partout, parce que, en raison du niveau racial, ça va probablement beaucoup plus vite dans certaines académies plutôt que dans d'autres, et puis dans certains départements plutôt que dans d'autres. Mais globalement, de la même façon, en fait, que la faculté est devenue, en fait, un lycée, le collège est devenu une école primaire. Bon, voilà, je l'ai découvert avec vraiment stupéfaction. Alors, je vais commencer avec Argyle, parce que lui, il est au fait là-dessus, puis ensuite j'enchaînerai avec les autres. Quoi. Alors, c'est très simple, hein, ces histoires de passé simple. Ça équivaut, en fait, à abandonner devant la baisse de niveau. On est dans cette espèce de spirale infernale de nivellement par le bas, et le niveau a baissé, alors on dit toujours c'est un truc de vieux con, mais le niveau a baissé, mais de manière effroyable, c'est ces 20-30 dernières années, et là on arrive à des programmes où on vire des trucs pour éviter que les élèves, parce que, alors d'une part, il y a évidemment la chance d'avoir cette diversité dans nos écoles, en particulier urbaines, et évidemment, Mamadou qui parle à peine français, qui utilise 300 mots de vocabulaire primitif dans un sabir mélange de français et de sa langue de la savane ou du bled. Naturellement, le passé simple, il en est assez loin. On essaie d'une part qu'il vous l'instite ou le prof essaie d'une part qu'il ne l'agresse pas, et ensuite qu'il arrive à se tenir à peu près correctement en classe, sans cogner ses camarades, sans essayer de violer une gamine, parce que dès l'école primaire, ces énergumènes ont déjà quelques velléités libidineuses, hein, à l'égard des gamines. Donc, évidemment, le passé simple, ils se disent en retirant. En retirant ce temps ringard, ils le disent, une pratique discriminante. Voilà. C'est-à-dire que certains pourraient connaître le passé simple et pas d'autres, donc c'est discriminant, donc on retire. Donc, je ne suis pas certain que d'ici une bonne vingtaine d'années, on en soit réduit au langage SMS. Vu que l'orthographe a été sacrifiée, hein, déjà, il faut voir le peu de rigueur qu'accordent les instituteurs et les professeurs de collège et même de lycée à l'orthographe. Hein. Il fut un temps pas si lointain où, à partir du moment où on rendait une copie où il y avait plus de 10, s'il y avait 10-15 fautes d'orthographe, on n'avait pas la moyenne, quel que soit le contenu, et maintenant c'est absolument terminé, et l'orthographe n'est plus du tout considéré comme quelque chose qui puisse être éliminatoire quand on rend un devoir. Donc voilà, il y a le passé ça, mais vraiment, le niveau, il faut être parent, hein, aussi, pour voir quel est le niveau, et pas forcément habiter dans le 93 ou dans d'autres zones. C'est que le niveau s'établit par rapport aux pires gamins de la classe, aux pires cas sociaux. Il y a quand même, au-delà de l'immigré, il y a aussi le cas social blanc qui est décérébré et qui a un QI à peu près équivalent à celui de Mamadou. Donc, il y a tout ça mis à la sauce républicaine égalitariste, ça donne à la suppression du passé simple, mais je pense qu'on va parvenir également à la suppression d'autres temps, hein, qui vont trouver évidemment discriminants, et on va réduire de plus en plus le savoir, l'instruction publique, pour se mettre au niveau du bled, de la brousse, et du cas social qui est absolument lamentable. Voilà. Oui, alors... T'as raison de faire observer ça, en disant oui, on va progressivement éliminer d'autres temps. Etc. Moi, je pense qu'en fait, on littéralement, je fais de la prospective là, hein, mais je crois pas tellement me tromper parce que on aurait dit ça il y a, c'est toujours pareil. Comme disait Askolovitch, vous savez, ce journaliste juif là de gauche, il disait c'est marrant quand on lit je ne sais plus comment il a formulé ça, il a dit « la réalité correspond à ce que décrit l'extrême droite ». Et en fait, c'est pire que ça pour eux. En fait, ce qu'on dit, même nous, on est en deçà de la réalité. On aurait dit ça il y a 5 ans, à vrai dire, on aurait dit ça l'année dernière, on aurait pouffé de rire. Ah oui, la réalité est pire que nos fantasmes les plus apocalyptiques. Oui, il y a un côté, j'avais bien aimé la formule de MacDav qui est la suivante, c'est-à-dire la gorafisation du quotidien, enfin de la société française, c'est absolument ça. Et tu dis donc voilà, on va supprimer d'autres temps. Moi, je pense qu'on va supprimer la langue française. Clairement, quoi. Je veux dire, on va passer. Alors, c'est là que les tablettes, vous savez, les tablettes, enfin bon, les tablettes numériques, quoi, vont être un petit peu la planche de salut en fait de l'éducation nationale qui, rappelons-le, est composée à 80% de bonnes femmes, hein, c'est quand même utile de le rappeler, parce que en fait on va pouvoir dire aux gens, bah voyez, ils ont plus besoin vraiment d'apprendre à écrire, parce que de nos jours, dans notre monde numérique et digital, tout l'avenir repose sur le digital, donc on oublie complètement d'écrire. Bon, vaste blague. De la même façon, l'apprentissage du français, bon, on se comprendra très bien avec des smileys, des abréviations langage SMS cryptées, en sachant que le langage SMS n'est que la transcription de l'espèce de sabir des banlieues qui varie d'ailleurs d'un bled à l'autre. Donc c'est une espèce de... C'est même pas une espèce, c'est un ensauvagement total, une tribalisation complète de la langue. Qui pour moi va se terminer. Moi, je pense, si ça continue, hein, C'est parce que c'est ça le truc, c'est que normalement, l'éducation nationale ou post-nationale, ou la rééducation post-nationale, pour être tout à fait clair, devait normalement effectivement délivrer l'enseignement du français à tous pour que tous puissent communiquer les uns avec les autres. Mais là, en fait, il y a une espèce de marche en arrière, c'est-à-dire que le ministère accompagne l'effondrement du niveau, comme tu l'as dit. Sauf que cette dynamique, virtuellement, par hypothèse, n'a pas véritablement de fin. Et on peut se retrouver à un moment donné où quand on passera, j'allais dire, d'un quartier du 93 à un quartier du 77, on ne se comprendra plus, je veux dire, d'ici à un siècle, quoi. On ne saura même plus ce qui est dit ou quoi, des borborygmes, ouais, des espèces de langages créoles, créolisés, si vous écoutez parfois les télés algériennes ou les télés des Antilles, etc., vous voyez des mots de français qui surgissent au milieu d'une espèce de bruit d'arabe pour ce qui concerne l'Algérie. Ou... Et puis c'est même pas de l'arabe littéraire, c'est de l'arabe du bled. Enfin, je crois qu'on va vers un truc très moche. Et ça a le tampon des trotskistes en charge des programmes de l'éducation nationale. Bon, alors je vais donner la parole à MacDav et ensuite à Captain. Oui, alors moi j'ai eu mon bac au tout début des années 2000 et le niveau était déjà en baisse, mais vraiment en baisse drastique. Mais ma grand-mère qui n'a pas fait d'études, enfin qui a tout simplement son certificat d'études, parlait le subjonctif. Et moi j'ai entendu dire par mes profs de français que le subjonctif ne servait à rien. Et j'ai entendu ça quand j'étais au collège, c'est-à-dire dans les années 90. Et donc je pense que ça vient d'assez loin, mais c'est assez, pour moi c'est assez évident, si tu veux, que tout ça c'est racial, si tu veux, parce que les structures du passé qu'on a, qui sont vraiment typiquement européennes, qui te permettent de découper le passé entre ce qui s'est passé et ce qui ne s'est pas passé, entre ce qui est en cours, ce qui est réellement terminé, c'est un exercice de projection mentale. Oui. C'est pas rien du tout. C'est très très important. Et c'est ce qui fait de nous des Européens. Dans les structures des langues indo-européennes, on a vraiment la distinction entre plusieurs types de passé, parfois entre plusieurs types de présent, et avec le futur. Et moi, quand je me promène dans les magasins et que j'écoute la radio, malheureusement, je suis forcé de tomber sur du rap, j'ai pas le choix, et je constate qu'en fait, il n'y a même plus de construction de phrase. En fait, on est dans des mots. Je te garantis, je vous invite à écouter les rappeurs à la mode qui font plusieurs dizaines de millions de vues, il n'y a même plus de phrases construites. Oui, oui. Mais dans les vocations de mots. Donc, peut-être que le problème part de loin. Tu parles des nouveaux poètes, des nouveaux Verlaine et des nouveaux Victor Hugo, peut-être. Ouais, c'est pas né, ouais, tout à fait, ce qui nous arrive de l'Afrique. Mais c'est. Bah, c'est comme il y a les deux, M, hein. Quoi. C'est Black M devant sa caméra qui hurle et tout. Oui, oui, c'est. Ouais, non, mais en fait, va falloir prendre les trotskistes avec les boyaux des nègres, quoi. Voilà, c'est vrai, oui. J'aime bien la référence à Arlette de la Guillée, ça me plaît beaucoup. Bah oui, c'est au bout d'un moment, en fait, imaginez quoi, Victor Hugo deviendra aussi inaccessible aux Français, parce qu'attention, il faut bien souligner ça, et effectivement, le nègre tire vers le bas tout le monde, les professeurs trotskistes, enfin les adeptes, parce qu'il faut aller dans les IUFM, enfin, ou les écoles de formation des maîtres, des instituteurs, des professeurs actuels, bon, ce qui leur ont succédé, quoi. L'ambiance est quand même un petit peu à ça, c'est vraiment des temples du gauchisme. Ils accompagnent le mouvement, mais les blancs sont en voie de, enfin les jeunes blancs, par voie de conséquence, sont en voie de négrification mentale accélérée, quoi. C'est-à-dire que, en fait, que les blancs aient du potentiel ou pas, c'est une chose, mais si de toute façon on ne leur demande rien, on ne leur demande pas de fournir un effort dans la durée et tout, on leur demande juste d'être au même niveau que les nègres, bah les blancs deviennent de facto des nègres mentaux. Hein. C'est ce qui se passe, quoi. Donc, je ne sais pas si on en a parlé dans le passé, mais je crois qu'il faut... Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais rester dans l'éducation nationale, dans l'éducation publique, quoi, même privée, dans certains établissements catholiques, je suis désolé, c'est catastrophique aussi, ça devient... Enfin, c'est détruire sa progéniture. Hein. Alors, Captain qui voulait parler, bien sûr. Ouais, bah écoutez, vous avez déjà quasiment tout dit, donc je voulais juste rajouter que... Il y a des gens, hein, quand même, qui se préoccupent de l'avenir de nos enfants, et notamment je pense à Laurent Laforgue, qui est un mathématicien médaillé de la médaille Fields, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est quelqu'un de très reconnu, et qui en fait est quand même passé au Sénat en 2015 pour leur dire que bah, l'école républicaine partait en chute libre. Bon, bah, on voit que ça n'a pas changé grand-chose, quoi. Donc encore une fois de plus que bon, bah, la voie démocratique, en fait, respectueuse des institutions, bah, elle nous mène nulle part, si ce n'est dans le mur. Et donc, le mec lui expliquait que... bah, parce que là, on disait que les gamins n'apprenaient plus le passé simple, ou que nous, on n'a pas appris les subjonctifs par rapport à nos ancêtres, enfin, nos aïeux. Et en fait, lui expliquait que la nouvelle façon d'enseigner, en fait, faisait que les gamins au CP apprenaient des choses qui seraient du niveau plutôt de... Enfin, une façon de faire qui serait plutôt de l'université, et que quand les mecs arrivent à l'université, ils sont même pas capables de construire des phrases, en fait, comme des gamins de CP auraient appris à le faire, en fait. Donc, si ça vous intéresse de développer, chers auditeurs, un petit peu le sujet, je vous invite à chercher ce que disait Laurent Laforgue là-dessus. Et sur ce, je vais couper, parce que vous avez quasiment déjà tout dit. Bah, moi, moi, ça m'a déjà... Enfin, vous savez, il y a... Alors, évidemment, c'est un topic... un topic, un sujet jugé... Comment dire... Réac, vous savez, parce que la presse de gauche et tout... pendant un moment, vous savez, il y avait eu la méthode globale et ou contre la méthode globale. Enfin, moi, j'ai découvert ça parce que... En fait, je ne m'intéresse pas à l'école pour la bonne et simple raison que j'y ai passé trop de temps, donc ça m'a un petit peu traumatisé. Mais disons que j'ai quand même eu la chance d'évoluer dans un univers scolaire, surtout en école primaire notamment, quand même relativement décent, où on apprenait à l'ancienne, comme on dit. Donc voilà, méthode syllabique, B et A, ça fait bas, voilà. Bon. Et du coup, j'ai appris à lire comme tout le monde, etc. Et j'ai découvert, en fait, parce que j'entendais parler de cette polémique, mais je ne me suis pas vraiment intéressé. Pour un moment, j'ai quand même un peu plongé le nez là-dedans. J'ai découvert que tout ça avait été complètement bazardé. Et j'ai découvert avec stupéfaction qu'effectivement, ce n'était pas un mythe entretenu par, je ne sais pas quoi, des espèces de vieux racistes ou fascistes aigris qui ne savaient pas quoi faire de leur temps libre, si ce n'est vitupérer sur ce magnifique ministère de l'Éducation nationale, mais que c'était effectivement vrai, que les gamins n'apprenaient vraiment plus à lire, ou du moins que la méthodologie employée faisait que ça amenait un crash de masse, mais dans une indifférence pratiquement générale, quoi, sauf quelques empêcheurs de tourner en rond, mais sinon, voilà, bon, oui, bon, ils ne savent pas trop lire, oui, bon, oui, bon, pourquoi pas. Et comme j'ai dit en début de discussion, quoi, j'ai découvert que, bah, par exemple, l'imparfait, maintenant, c'est du niveau de quatrième. Et je me suis dit, non, c'est une blague, je me suis dit, c'est une farce. Et non, c'est la documentation officielle, j'ai été voir... Du ministère, où il y a marqué effectivement 5e, 4e, 3e, imparfait, passé simple. Je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, imaginez, si vous voulez, pour les gamins qui passent là-dedans qui vont devoir vivre au 21e siècle. Et dans un 21e siècle, excusez-moi de le dire, qui va être quand même très largement dominé par l'Asie. Que ce soit les Chinois, les Coréens, enfin des peuples à la fois nombreux, qui sont pas non plus, qui n'ont pas des QI de 60 comme au Congo, hein, donc les fameuses recrues de l'Europe actuelle, et qui, eux, bon, bah, s'appliquent, etc. Alors, je ne dis pas que c'est des génies, mais enfin, au moins savent-ils quand même à peu près jongler avec la lecture, quoi. Et nous, on est dans un processus complètement inverse, qui est terrifiant, je veux dire. Là, c'est même plus du sabotage, c'est de l'autodestruction, et c'est piloté par ces infâmes gauchistes qui contrôlent le ministère de l'Éducation nationale dans l'indifférence la plus totale. La plus totale. C'est complètement dingue. Et moi, je dirais ça, en fait. Je dirais que, comme je dis, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais parents d'élèves, parents d'un gosse aujourd'hui, sauf si on est sûr que l'école publique de son quartier ou de son village est tenue par un instituteur ou une institutrice qui tient la route, je veux dire. Mais sinon, le mettre là-dedans, dans le public aujourd'hui, pour moi, c'est très, très risqué, et au point d'hypothéquer la vie du gosse en question. Je sais pas si... Moi, j'ai de te dire, hein, les enquêtes qui sont sorties là, récemment, que ce soit PISA ou Pearls, là, elles datent déjà du début des années 2010. Pearls, elle date de 2011. Elle te montre une chute libre qui est terrible. Donc là, ça doit être effrayant. Enfin, il suffit de suivre les niveaux de la drépanocytose, hein, c'est aussi simple que ça. Mais quand tu vois que dans certaines académies, ils sont obligés de descendre le concours des instits à la barre d'admission de 4 sur 20, enfin, ça doit être. Effectivement, ça doit être très très difficile. Et c'est pas uniquement. Il y a la question des problèmes de recrutement, c'est évident. Mais en fait. On court à notre perte. Les Chinois sont ultra compétitifs. Le monde va devenir très compétitif. Tu as à la fois les États-Unis et la Chine qui se lancent dans la conquête du cerveau, qui essaient de découvrir comment le cerveau fonctionne. Il y a eu des avancées énormes qui ont été faites dans les NBIC, c'est-à-dire les nanotech, biotech, sciences de l'informatique, cognitif, qui vont en fait... qui permettront de développer notre intelligence de façon exponentielle dans les années à venir. Et la France, en s'accrochant à ses vieux rêves de faire de tous les Africains des agrégés de grammaire, eh bien, disparaîtra. Moi, ça me fait vraiment suer, mais je suis obligé de le constater. Quelqu'un d'autre sur ce sujet ou on passe au sujet suivant ? Juste une petite anecdote, parce qu'on a parlé de l'Asie. Alors c'est vrai qu'effectivement, ce sont des peuples qui sont quand même, tout le monde le sait, bosseurs, courtois, respectueux. Enfin, ça dépend où on va, parce que la Chine, c'est pas le Japon. Et les Japonais ont aussi un problème, hein, les Asiatiques en général, avec l'enseignement et l'apprentissage de la langue. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des gens qui apprennent des kanji. Donc les kanji, ce sont des mots, c'est un peu comme des hiéroglyphes. Chaque mot a un sens, en fait, et les mots sont constitués de plusieurs clés. Donc c'est un apprentissage d'écriture qui est très compliqué, et même chez eux, on voit que l'utilisation de l'informatique amène à une baisse générale des connaissances, en fait, parce que les gens perdent l'habitude d'écrire. Donc moi je me pose souvent la question, c'est-à-dire que la technologie, le progrès matériel, c'est super, mais si c'est pas contrôlé, en fait, si on ne continue pas à pratiquer l'écriture, ou par exemple chez eux le boulier, ce genre de choses, on perd quand même en capacité, quoi. Donc je pense que à l'avenir, si on veut sauver l'Europe, il nous faudra arriver à réussir une synthèse entre le progrès matériel, le développement technologique et scientifique, et tout ce qu'on a su faire jusqu'à présent sans ces avancées-là. Moi, je dirais plus loin que ça. Moi, je dirais que là, on a la démonstration que l'État devient un problème. Alors ça, les Français, quand vous dites ça à des Français, ils perdent la boule. Parce que les Français, s'il n'y a pas d'État, ils sont perdus. Ils savent plus où ils sont, ils savent plus où ils pissent, ils savent plus où ils dorment. Le monde s'écroule. Il n'y a plus d'État, que vais-je devenir ? Et c'est tout leur problème, d'ailleurs. Sauf que là, on a la démonstration par A plus B que l'État français est le problème. C'est le problème, c'est la cause des causes, et malheureusement, ils vont aller jusqu'au bout du processus, quoi. Donc, avec vos impôts, vous allez payer ce grand projet néocolonial d'alphabétisation des nègres en France, hein, ça a tellement bien marché en Afrique, pourquoi pas rééditer l'exploit en France, après tout, ouais, c'est jamais que la suite du film... colonial, hein. C'est la même chose, et donc on a retenu toutes les leçons qu'il fallait retenir, donc on fait la même chose, quoi. Et donc on demande aux blancs non seulement de payer, mais d'exposer leurs gamins à ce désastre absolu qu'est l'expérimentation afro-marxiste, quoi, hein, en place là. Et le problème, c'est que l'État réquisitionne l'argent, réquisitionne vos gosses, de plus en plus d'ailleurs, c'était le projet de Najat Vallaud-Belkacem, veut empêcher tout échappatoire, parce que comme vous, dans leur logique à eux, à la fois de gauchistes et à la fois de métèques haineux, Il s'agit d'empêcher absolument le blanc de pouvoir exprimer son talent et son potentiel. Donc il faut l'empêcher d'accéder à un enseignement qui serait un enseignement libre, hein, un enseignement privé. Donc il faut surveiller, il faut imposer, contraindre de plus en plus. Et là, on voit encore une fois que, l'instinct égalitariste et niveleur des gauchistes rejoint l'intérêt bien compris des métèques. Hein. Et donc, on empêche les blancs d'avoir accès de pouvoir éventuellement chercher des pistes alternatives. Mais il n'y a pas le choix, à mon avis. Et cet État, qui dispose de tous les moyens, prive les enfants blancs d'alternatives, malheureusement. Et c'est dramatique pour tous ceux qui voudraient trouver une alternative, parce que, les parents d'élèves raquent de toute façon par leurs impôts pour ce puissant fonds qu'est l'éducation nationale. Mais s'ils veulent donner une véritable éducation de qualité ou une véritable instruction de qualité à leurs enfants, il faudrait qu'ils mettent la main à la poche en plus. N'est-ce pas ? C'est là que ça coince. Donc moi je suis, alors vraiment, et moi je le dis, c'est pour ça que là il faut absolument lancer la traque aux communistes et aux socialistes. Mais surtout à l'extrême droite communiste, c'est de dire qu'il faut absolument tout libéraliser, mais absolument tout, sans pitié aucune. Pourquoi ? Parce que maintenant, le socialisme, ça ne sera plus jamais que de tirer les blancs vers le bas, et à leurs frais. Alors que si on libéralise, par exemple, l'enseignement, les blancs vont pouvoir, se doter de leur structure. Alors, évidemment, il y aura des disparités, mais c'est pas grave, ils auront beaucoup plus de chances dans la vie qu'en étant dans une classe avec une moitié de bamboula et d'Algériens, faut être clair, quoi. Donc, il faut totalement libéraliser l'enseignement en France et en finir avec ce ministère soviétique qu'est l'éducation nationale, parce que c'est la destruction des petits Gaulois, là, hein, clairement, je veux dire, clairement. Alors, je lance le débat, je ne sais pas si on va le poursuivre maintenant, c'est peut-être pas le moment, on va passer à autre chose, mais pour moi, j'y insiste, le socialisme d'État et l'État français, de par sa propension à vouloir tout niveler, est le problème numéro un. C'est lui qui veut mettre des nègres, des Congolais, des Maliens, des Marocains, avec Rémi, avec Laurent, et prétendre qu'il y a une égalité naturelle entre eux et que tout ça va bien se passer, alors que c'est faux. Et on va détruire la vie de Laurent et de Rémi pour faire plaisir à Boubacar et à Mohamed, sous l'œil bienveillant, évidemment, de Marie Chantal et de Sophie, hein, éducatrice depuis de 35 ans, seule d'ailleurs, et particulièrement aigrie, quoi. Voilà. Non mais Gandalf, en fait, il n'y a pas de projet, il y a un projet égalitaire, mais il n'y a pas d'égalité réelle, puisqu'on donne le plus de moyens aux immigrés. C'est eux qui ont le plus de moyens, c'est pas les petits Français, ça n'a jamais été le cas. Bien sûr. C'est eux qui ont des dispositifs spéciaux, oui. Je crois qu'ils sont 25 par classe, un truc comme ça. Non, moins. Ils ont abandonné le truc, mais ils avaient lancé un moment, je crois que c'était les lycées d'excellence. Alors, marrez-vous. C'est typiquement le truc à la française. L'État aime bien faire ça. Ils affirment un truc, c'est pour l'inverse. Les lycées d'excellence, en fait, c'est les lycées pour les calamités, en fait. Et alors, ils ont arrêté parce que ça coûtait une fortune. C'était des lycées, je vous jure. Vous n'avez même, vous, en tant qu'élève, jamais approché un établissement de cette qualité. À la fois par l'endroit où ça se situe, la qualité des locaux. Mais c'était magnifique. Moi, j'ai vu. Je pense que c'est accessible sur YouTube. Vous pouvez chercher, d'ailleurs. Et alors, ils étaient à 10 par classe. Ils prenaient les mecs, mais ils allaient les chercher dans le fin fond du 93. Le fin fond, ça coûtait des sommes. On pouvait même faire de l'équitation. Je ne vous mens pas. Il y avait même des écuries. Avec des chevaux, ils pouvaient faire l'éducation, l'équitation, littéralement. Et alors, c'était pour faire quoi ? Vous allez me dire, mais projet grandiose, on a trouvé des pépites extraordinaires à la Courneuve, on peut-être un futur mathématicien de génie, de classe mondiale. Non, non, il s'agissait de leur faire passer le baccalauréat. Alors, au bout d'un moment, vous savez, je ne sais pas pourquoi, il y a eu quelqu'un, quand tout d'un coup, un éclair de génie au sein de l'éducation nationale, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont dit, c'est marrant, mais là, on est en train de claquer des millions et des millions et des millions d'euros pour que trois bamboulas puissent dire j'ai eu le baccalauréat, comment dirais-je, S ou machin, ouais, encore un truc en bien, tu vois. Voilà, ils ont abandonné. C'est hallucinant les dispositifs qui existent, les passe-droits qui existent, et je parle même pas du cursus général où enfin, le niveau s'est tellement effondré qu'enfin, on sait plus qu'on surnote, c'est que. C'est plus débat. Vous voyez, c'est tout le problème. Vous avez officiellement un seul système de diplôme, d'accord ? Donc vous avez le baccalauréat, point. Sauf que vous savez très bien que si vous le passez dans le 93 au milieu des nègres, et si vous le passez, je ne sais pas moi, dans les Côtes d'Armor ou dans le Finistère, en réalité, vous ne serez pas noté de la même façon. Donc c'est l'imposture égalitariste, c'est ça le truc. C'est que l'égalitarisme mène toujours au mensonge puisque l'égalité n'existe pas. Or, toujours la même chose, le diplôme de Boubacar vaudra autant que celui de Jean-Christophe. C'est tout le drame. Ça, c'est la France jacobine. Oui, effectivement, bah, ça, c'est l'arnaque, parce qu'on te dit que vu que le bac, enfin les sujets du bac sont les mêmes partout, que le bac vaut partout la même chose. Ce qui est juste, évidemment, une imposture totale, puisque c'est relissé après au niveau des académies. Bon, c'est bien de le rappeler, parce que c'est quand même une imposture qu'on entend trop souvent. Alors, je vous propose le sujet numéro 2. Alors très vite, c'est un sujet un peu ludique. C'est un témoignage de Kim, qui est une femme de petite taille. Femme de petite taille, qui nous explique sa préférence pour le métissage. Je vous invite, chers amis, à l'écouter et on se retrouve après. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une chose qui fait partie de moi depuis toujours. Et peut-être me parler à moi-même aussi pour essayer de comprendre pourquoi je suis attirée que par les personnes basanées ou black. Je n'ai jamais côtoyé ni eu de relation avec un blanc comme moi. Et donc du coup, je me pose énormément de questions du pourquoi, du comment. Je suis tombée une seule fois amoureuse dans ma vie et c'était à l'âge de 17 ans. Quand on réfléchit, on arrive à se dire que certes, on a eu plusieurs relations, mais vraiment tombée amoureuse, je suis tombée amoureuse qu'une fois dans ma vie et c'était à 17 ans. Cette personne était d'origine africaine et vraiment il était né là-bas. Et c'est sa culture, sa façon d'être très familial, d'être très ouvert d'esprit, de parler de tout sans tabou face à mon handicap et d'assumer. Je pense que c'est quelque chose qui a fait beaucoup et où je me suis sentie comprise, soutenue et peut-être que à travers eux, j'arrive à me sentir un peu normale. C'est très chaleureux, je me suis toujours sentie très protégée, très, très accueillie, très attendue, très... Oui, je sais pas, c'est quelque chose qu'on n'explique pas et avec laquelle j'ai toujours eu un très bon feeling. Et c'est aussi, bon malheureusement, et c'est normal, les personnes qui m'ont fait le plus de mal, parce que voilà, il n'y a eu que eux. Mais... c'est comme ça et c'est pas pour autant que voilà, on met tout le monde dans le même sac. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous répondre à cette question. Pourquoi que les blacks et les basanés, mais je sais pas vous répondre. Je suis peut-être auto-dit que les autres choses ne me correspondaient pas. C'est vrai que j'ai une fois côtoyé quelqu'un d'origine plus claire, je sais pas comment on dit, mais ça s'est très mal passé. Peut-être que j'ai fait un traumatisme aussi par rapport à ça, j'en sais rien. Mais c'est vrai que j'ai toujours été très attirée par les blacks et je le serai toujours. Je pense que ma mère, au jour d'aujourd'hui, elle sait que je lui présenterai un homme basané ou black. J'en fais pas une fixation, les gars, hein. Faut pas croire que c'est écrit sur une liste de tout doux. Mais peut-être qu'un jour, un beau blanc sur un cheval blanc va arriver et va me faire chavirer mon cœur. Et c'est pour ça que je ne mets pas forcément de barrière, mais c'était juste parce que même moi je me pose la question, mais pourquoi tu n'as jamais côtoyé une personne blanche et que tu ne côtoies que des personnes d'origine africaine ou d'origine étrangère. Je kiffe la mixité, je kiffe toutes ces autres coutumes que les miens, je kiffe apprendre les différentes religions. C'est tous des trucs en fait qui m'ont peut-être bouleversée, touchée et que j'ai envie de continuer et que je m'obstine dans ma petite tête de me dire voilà, il faut absolument que tu continues, que tu gardes ça et que voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis fan de tout ce qui est atypique et ça c'est quelque chose que je garderai en moi. Alors les amis, bon là on a un cas, c'est un petit peu on va dire courrier du cœur, hein, on va dire, et on a donc Kim. Là, une chaîne, hein, Kim Verte officielle, parce que je sais que beaucoup de ceux qui nous écoutent vont vouloir la découvrir. Ils ont bien raison d'ailleurs, parce que d'abord, elle est belle. Elle est belle. Bon, elle est naine par contre. Ça s'entend pas. Oui, voilà, c'est ça. Ça s'entend pas, évidemment. Vous n'avez pas le plaisir des images, mais vous allez vite, en allant rechercher sur YouTube, Kim Verte officielle, vous allez découvrir la beauté plastique de cette petite perle. Qui nous a d'ailleurs été communiqué par un auditeur, je le remercie, moi j'ai été fasciné. Là, on l'avait franchi, la France a franchi un palier avec ça. Là. Mais elle est peut-être belge d'ailleurs. Et comment tu peux tomber par hasard sur ce genre de vidéo? En cherchant l'amour, hein. Je veux dire, hein, voilà, bon, t'es tout seul, tu cherches quelqu'un sur YouTube qui est une fille, bon. Et alors, bon, elle nous dit, hein, voilà, alors... moi, je n'aime que les noirs ou les basanés. Hein. Voilà, je sais pas pourquoi. Bon. Alors, j'ai mon idée, j'aurais quelque chose à en dire, mais je préfère donner la parole à Argyle, qui, je suis convaincu, a été sensible à l'appel, au témoignage, devrais-je dire, de Kim. Qu'est-ce que t'en penses, Argyle? Bah, c'est vrai que là, cette espèce de machin assez improbable. Au début, ça m'a laissé sans voix, et après, j'ai eu comme une sorte de nausée, tout de même, parce que bon, je me suis aperçu que c'était vrai, que c'était pas une blague, que c'était... Et là, c'est de la vraie naine, avec la gueule bombée, enfin voilà, c'est bien une naine, c'est pas juste une personne petite, non, c'est atteint de nanisme, et donc cette espèce de monstre, apparemment, d'après ce qu'elle explique, s'est fait trombiner par un Africain. Alors, elle précise bien, un Africain de là-bas, né là-bas, oui, j'imagine. Je ne sais pas s'il y avait une histoire de papier là-dessous. Donc, apparemment, la Mimimati Kim, là, s'est fait empaler par un Africain. Elle a dû aimer ça, donc je ne sais pas, il a dû carrément la traverser comme une brochette, quoi, comme une sorte de boudin qu'on fout au bout d'un pic, quoi, je ne sais pas. Il a dû jouer au bilboquet avec, je ne sais pas trop, mais bon. Et voilà, et donc elle aussi est convertie au métissage, à la diversité. Apparemment, le seul qui est bien voulu, ça doit être je ne sais pas quel Africain qui vient de quel coin reculé, qui avait très faim sûrement, et qui, bon, il lui a peut-être piqué un peu de pognon, elle ne le précise pas au passage. Apparemment, elle a vécu une très très belle histoire d'amour, on ne sait pas trop pourquoi ça s'est terminé. D'ailleurs, donc, voilà, moi, ce que je propose, quand on prendra le pouvoir, c'est que ce genre de personnage, ce genre de monstruosité, je propose de relancer le lancer de nain, et non pas, en l'occurrence, le lancer de naine, du haut d'un immeuble, et je pense qu'on pourra faire quelques strikes avec ce genre de dégénéré, mais au sens propre du terme. Je crois que cette espèce de dégénérescence totale, hein, parce que ne doit surtout pas se reproduire, et devra au moins nous servir à nous divertir lorsque nous en serons au repos du guerrier. Alors, en commentaire, il y a quelqu'un qui avait, je ne sais plus qui c'était, il se reconnaîtra, je pense, il avait dit... Dieudonné, il a dit tu vois Kim, l'action T4, dommage. Tu vois, quelqu'un connaît... Bon, nos auditeurs se reporteront sur l'action T4. Ils feront des recherches comme ça, des recherches historiques. Voilà, c'est ça. Mais alors, je vous avouerai que sur le génie, je me suis dit parfois, peut-être que le régime national-socialiste n'avait pas opté pour le... Et avec le recul et surtout ce qu'on voit, je me dis en fait, ils étaient tellement visionnaires. Et quand on voit ça, on se dit que il y avait bien un danger, il y avait bien un sens à tout ça, et qu'effectivement, de fait, il y a des gens qui n'ont pas vocation à rester parmi nous, quoi. Alors, certaines personnes pourraient opter, par exemple, pour proposer un déplacement du problème, je ne sais pas, vers l'Afrique. Kim, je pense qu'elle serait volontaire. De... Oui, mais moi aussi, hein, je serais volontaire pour la faire. Je partage. Mais il y a quelque chose à creuser là. Alors, quelqu'un d'autre, c'est dommage que Derek soit pas là, il serait parmi nous. Ça l'inspirerait, je pense. Ah oui. Ah oui, j'en suis sûr. MacDav Bah écoute, moi j'ai vu la chose. J'ai cru que c'était une trisomique, mais vraiment, enfin, je rigole pas. Donc au départ, elle m'a vraiment fait pitié, mais pourquoi elle aime les nègres en fait? Est-ce qu'elle aime peut-être qu'elle aime juste se sentir protégée par les racailles du quartier, c'est tout. Ah non, mais c'est non. Alors là, tu dois aimer ceux qui veulent surtout, je crois. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle a dit oui. Alors je sais pas pourquoi jamais les blancs et tout. Non, mais attendez, mais c'est personne ne veut se prendre une naine, évidemment, comme compagne. Enfin, sauf quelques exceptions rarissimes, voilà. Et les nains, peut-être. Voilà, et non, évidemment, il n'y a que le nègre cannibale mort de faim, je veux dire, qui saute absolument n'importe quoi, peu importe l'âge, j'ai presque envie de dire peu importe le sexe, et voilà, il voit une naine, pour lui, de toute façon, il est tellement con. Non mais elle m'a l'air très limitée, enfin, il y a une déficience mentale, hein. Bah, peut-être que le nègre, il a dû la prendre pour une chèvre, en fait. Alors, le truc effrayant, c'est que, attention, le truc effrayant, c'est que cette femme-là, à cause du fait que nous vivions en démocratie, pourrait potentiellement, voire a déjà, produit une lignée. Ah ! Oh, ça m'étonnerait. Je sais pas. Ah bah. Non, non, mais il faut stériliser, quoi. C'est tout. Ah bah, il faut. Je suis. Bah oui, l'action T4. Bah, c'est-à-dire que c'est là que tu vois le problème de la démocratie, quoi. Que sa voix soit exactement équivalente à la mienne, bah, ça me fait mal au cul, quoi, tu vois. C'est pas une deuxième Ouais. Voilà. Bon, et bref, puis sinon, un truc quand même assez drôle, c'est que c'est quand même une putain de gonzesse, quoi. Parce que la meuf est quand même capable de se contredire à moins de 30 secondes d'intervalle. Elle te raconte, enfin, elle dit oui, ma mère, elle sait que de toute façon, je lui ramènerai quelqu'un de noir ou de basané. Enfin, sauf si j'ai peut-être un chevalier blanc, blanc de peau, le coderme, sur un beau destrier blanc, quoi. Mais meuf, tu viens pas juste te dire que de toute façon, ta mère allait devoir débarquer un jour avec un nègre parce qu'il y a que qui veulent de toi. Enfin, moi, ça me fait, ce genre de gonzesses, enfin, voilà, les gonzesses, ça me fait rire, quoi. Bon, avouons quand même que c'est une naine, donc bon, c'est... Ouais, mais c'est typiquement... Oui, mais je suis d'accord, voilà... Fais-toi péter le cul par Mamadou et Boubacar, et puis quand il s'agit de se marier pour faire des gosses et ramener double à la maison, il faut trouver un brave Thierry ou un brave Eric, tu vois, qui soit suffisamment con pour... voilà, hein, évidemment, bien sûr, évidemment. Toujours la même histoire, hein, voilà. Bon, Kim, si tu nous regardes, je te souhaite beaucoup de malheur dans la vie. Non, mais faut être rationnel, et froid, quoi. Envers ce genre d'individu, c'est tout. Faut éviter qu'il vienne au monde. Bah, moi, je lui souhaite beaucoup de bonheur en Afrique, qu'elle aille pourrir la lignée génétique des Africains s'ils veulent d'elle. Hein, voilà, ça me dérange pas, quoi. Enfin, je serais pas surpris qu'en Afrique, les nains soient pas spécialement aimés par les sorciers. Demande quel sort ils leur réservent. Déjà, les albinos, c'est pas terrible. Les nains, ils doivent peut-être avoir un traitement particulier effectué par... par ces gens qui ont une culture très, très riche dans le domaine du supplice. Exact. Alors ça c'est fort possible parce que je crois que pour... comment il s'appelle, Cheikh Anta Diop, je crois qu'il parle vraiment des blancs, tu vois, enfin des locodermes, des noirs et des pygmées comme trois espèces. Hein. Des pygmées? Je crois que ouais, les pygmées c'est une espèce vraiment à part pour les nègres. Ouais, je serais pas étonné. D'accord. Alors, sujet numéro 3, bah finalement ça fait le lien puisqu'on ne quitte pas l'Afrique, c'est Griezmann, le footballeur. Alors, ça fait la polémique, entre guillemets, parce que là on n'arrête plus parce que tous les jours il y a une polémique raciste. Hein. Tous les jours, y a quelqu'un qui a dit quelque chose qui ne plaît pas. Comme Miss France. Miss France, voilà, Miss France qui a dit, je ne sais plus quoi, une crinière de Lyon. Bon, c'était un truc encore à coucher dehors. Et donc, voilà, Griezmann fait Griezmine, enfin même une mine plutôt noire d'ailleurs, il s'est déguisé en joueur du Harlem Globetrotters, hein, donc en nègre basketballeur quoi, du Harlem Globetrotters. Et c'était une soirée, je sais pas quoi, parce que alors ce Griezmann, donc le footballeur, est un gros fan de basketball. Hein, c'est un fan de la NBA et tout, machin, donc il est quand même un sport quand même de nègre, hein, faut quand même bien le dire. Et donc, en fait, Griezmann n'est pas du tout un négrophobe, hein. Il n'est pas du tout anti-nègre, du tout. Hein. Lui, il est au contraire, il aime bien les nègres, il adore ça, il en redemande. Et alors, il s'est dit, bon, allez, pour rigoler, je vais m'habiller aussi en Harlem Globetrotter. C'est là, gros clash sur Twitter où il s'est fait accuser de racisme, parce qu'évidemment, un blanc ne peut pas se déguiser en noir, hein, c'est bien entendu. Ça s'appelle un blackface. Alors là, les gens ont découvert le blackface. Et ils ont appris que, en fait, jadis, les Noirs étant interdits aux États-Unis de participer à des rôles dans le cinéma, et ben ou même au théâtre, on utilisait des faux nègres, c'est-à-dire des blancs déguisés en nègres. Donc ils se mettaient du cirage sur la gueule. Et moi, je trouve ça très très drôle, personnellement. Mais bon. Et donc, du coup, un blanc déguisé en nègre, grimé en nègre, c'est raciste, puisqu'évidemment, c'est une référence directe, ouverte, volontaire et patente à l'Amérique de la ségrégation. Et c'est quand même pas normal. Alors Griezmann a dû s'excuser, ce qu'il n'a pas tardé à faire d'ailleurs, bon, c'est pas très étonnant. Qu'est-ce que ça vous a inspiré cette polémique? Argyle, tu veux nous dire quelque chose là-dessus? Moi, j'ai un peu de compassion pour Griezmann, qui est un mec sympa, en fait. Il n'y avait évidemment aucune intention raciste de sa part dans ce qu'il a fait. Voilà. En plus, il est fan de basket. Voilà, je pense qu'il n'a pas du tout eu dans l'idée. Donc déjà, ça, c'est à exclure. Et après, c'est un mec assez sympa. Moi, j'ai vu une émission sur lui avec Alexandra Sublet où on rentrait vraiment dans l'intimité du personnage, c'est un mec timide, et je pense que ce genre de. Et heureusement qu'il est en Espagne, où à mon avis, ça doit être. Il doit y avoir un peu moins de pression antiraciste qu'en France, mais c'est vraiment le genre de truc qui peut le perturber parce que je crois qu'il a dû tomber totalement dénu face à ce déferlement de haine raciale de la part. De la racaille antiraciste extrémiste noire qui sévit en France. Faut savoir quand même que le CRAN, hein, a demandé au gouvernement de se saisir de Ah oui, l'affaire et de demander des excuses publiques, mais même qu'il ne suffisait pas, puisqu'ils ont dit l'Union qu'à aucun africaine aussi, moment peut-être. Griezmann ne pouvait ne pas savoir que se grimer en noir était quelque chose de raciste. Donc, d'une part, ces pourritures ont déjà dit que même les excuses ne suffiront pas, puisqu'ils ne pouvaient pas ne pas savoir que c'était un acte raciste qu'ils commettaient. Voilà, ces gens-là, ces terroristes de la pensée, à partir du moment où on les laisse faire, ils iront de plus en plus loin. Et bon, voilà, on a affaire à tout de même à des Africains, et à partir du moment, voilà, c'est toujours la même chose avec eux, à partir du moment où on leur laisse la possibilité. D'aller de plus en plus loin dans leur délire, ils iront jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout, ce sera demander la peine de mort pour tout blanc qui ne lèche pas les pieds des noirs. Bon, voilà, il y a Bergoglio qui a anticipé, apparemment. On en arrivera là. Donc, il faut impérativement empêcher ces associations de noirs revanchards, agressifs, arrogants, sûrs d'eux-mêmes. Qui veulent juste déféquer à la gueule des blancs, c'est uniquement ça, il faut évidemment les faire taire. Et pour l'instant, ce n'est pas sur nos gouvernants qu'on pourra compter pour empêcher ces saloperies de cracher à la gueule et de prospérer leurs associations avec notre argent, puisque c'est avec l'argent des blancs hein, qu'ils arrivent à survivre, qu'on soit bien d'accord. Donc, bon, voilà, Griezmann, Miss France. Qui sera le prochain, surtout qu'en plus ils s'en prennent à des gens mais complètement inoffensifs. Alors moi ce que je propose, c'est qu'on laisse plutôt la parole publique à des gens qui assument voilà, directement leur racisme positif, et là ces associations pourront gueuler à juste titre. Donc je propose que Démocratie Participative arrive sur la bande FM, obtienne une chaîne sur la TNT, et là effectivement ces associations auront quelques raisons de s'estimer voilà, victime de racisme, puisqu'il sera totalement assumé. Donc, il s'attaque véritablement à ceux qui vont véritablement les foutre dehors. Très juste, très bien observé, je suis d'accord avec ça. C'est vrai, c'est absolument vrai, absolument vrai. Non, mais ils pousseront jusqu'au bout. En fait, moi, j'étais un petit peu étonné du manque d'ambition, quand même, du CRAN sur cette affaire. C'est vrai qu'ils ont dit l'Élysée, j'aurais quand même attendu de leur part quand même une saisie du Conseil de sécurité de l'ONU. Bon, c'était quand même un petit peu le minimum, mais bon, ils se sont dit peut-être que ça pourrait heurter l'opinion publique française. Alors bon, le gouvernement, la présidence de la République, voilà, quand même, rendez-vous compte, c'est grave, quoi. C'est un minimum. C'est un minimum, surtout dans la France de 2017, je veux dire, où bon, la chasse aux nègres est ouverte, où des bandes de blancs en uniforme matraquent du nègre innocent. Ils rasent les murs dans les rues, ils baissent la tête dans les transports en commun, c'est une horreur. Avec une ségrégation sanctionnée par la Constitution, enfin, c'est complètement hallucinant. Donc on pouvait s'attendre quand même à une prise de conscience. Mais non, ils ont préféré la jouer douce, on va dire, la jouer douce. Alors, MacDav, devant ce numéro, c'est encore toujours la même chose, hein, vers le tribalisme nègre dans toute sa splendeur, qu'est-ce que tu as à en dire? Bah, écoute, appropriation culturelle, c'est, encore une fois, c'est un nom de code pour dire anti-blanc, quoi. Parce que, évidemment, si on commence à réprimer les Noirs pour s'approprier la culture européenne, bah, on n'a pas terminé. Enfin, ils ne font que ça. Ils ne font absolument que ça. Donc, si tu veux... Un exemple récent, là. Vous avez vu la série Netflix prochaine, sur 3, Achille, c'est un gros nègre. C'est-à-dire que les je sais pas, c'est fondateur quand même de l'Europe, d'accord. L'Iliade, l'Odyssée... La guerre de Troie, tout ça. Enfin, je parle pas du roi Arthur. Ça a déjà été fait, d'ailleurs. Mais Achille, on va passer de Brad Pitt, quand même. Alors, je dis pas que Brad Pitt correspondait, je veux dire, au grec moyen, si vous voulez, de la guerre de Troie. On est d'accord. Mais c'est quand même un Européen. Là, on va foutre un gros nègre. Arrive-t-il en pyramide volante? C'est du sabotage, c'est plus que du sabotage. Oui, c'est plus que du sabotage, en fait. C'est véritablement fait exprès. C'est pas uniquement, en fait, la promotion de la diversité, en fait, dans le cadre d'un pays qui serait multiracial, multiculturel, à des fins justes de pacification ou d'apaisement, en fait, des relations intracommunautaires. C'est véritablement, en fait, privé les Européens, en fait, de leur racine historique. Je veux dire, tout comme l'attaque permanente sur la langue française, hein. Je veux dire, ce que tout à l'heure, j'ai oublié de le dire, mais à partir du moment où le président de la République, de la République française, dit qu'il n'est pas de culture française, pourquoi avoir une langue française? Je veux dire, pourquoi s'y attacher, en tout cas? Bon, ben là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a véritablement une volonté de la part de certaines personnes, certaines communautés, de saper nos fondements historiques pour mieux soit nous manipuler, soit faire de nous ce qu'on est déjà, des vaches à lait, quoi, pouvoir se sustenter de nos populations ou nous faire disparaître sur le long terme. Bref, ça me fait penser à... je crois que tu en avais déjà parlé, c'était Alain Wagner qui en avait parlé il y a très longtemps. À la suite de la guerre entre Israël et les pays producteurs de pétrole, il y a eu des accords passés entre les Européens et... donc les pays de l'OPEP, et ils avaient dit, vous allez prendre des gens de chez nous, donc des musulmans, vous allez les envoyer chez vous, et vous allez changer de narratif. Et ils changent de narratif en disant, bah, l'islam a toujours fait partie de l'Europe, il y a toujours eu des musulmans en Europe, blablabla. Ouais, ouais, ouais. Bah là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que t'as des gogoles de Français qui, justement, parce que bah, t'as les anges de la télé-réalité, t'as le niveau de l'éducation nationale qui s'effondre, ouais. Tu as la propagande permanente, et puis la chasse aux sorcières qui est faite par les médias anti-blancs, ouais, quoi. Ouais. Et les mecs... Et les mecs, ils arrivent à quoi? Ben, ils se disent, bah, c'est vrai, en fait, enfin, regardez, Achille, ça se trouve, c'était un noir, pourquoi pas? Et puis Jésus, c'était peut-être un noir, et puis, de toute façon, l'islam a toujours été là. Jamel Debbouze, il a dit, il y a 3000 ans, l'islam était là. Et les gogoles de blancs qui sont devenus des putains de nègres mentaux, parce qu'ils n'ont plus aucune construction mentale, ils n'ont plus aucune connaissance de leur identité véritable, ah ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils mangent, et ils acceptent. Voilà. Oui, ça c'est un truc que j'ai compris tardivement, en fait. C'était une phrase de Reagan, mais en fait c'est pas la phrase de Reagan en tant que telle. Reagan disait, j'ai plus la citation exacte, mais qu'en gros chaque génération devait faire face à une menace ou disons à un grand défi qui remettait en cause la liberté, il fallait l'affronter. Et en fait, c'est le côté générationnel dans la citation de Reagan, je l'ai pas, peut-être que quelqu'un la cherchera vite fait là pour moi, mais peu importe. Mais c'était le caractère générationnel, c'est-à-dire que chaque génération, en fait, est mise à l'épreuve. Et qu'il suffit d'une génération pour que tout s'écroule. Et ça, je ne l'avais pas perçu jusqu'à présent. Je n'avais pas vraiment saisi la profondeur de cette affirmation. Et en fait, c'est absolument vrai. Mais c'est pas pour le caractère, mais pas pour la liberté. Les Américains, ils aiment beaucoup la liberté comme ça. Bon, c'est bien d'ailleurs d'aimer la liberté, il n'y a pas de problème. Mais en fait, pour des choses beaucoup plus tangibles, beaucoup plus immédiates, c'est la transmission de la culture. La transmission de la culture, la transmission de ce qu'on est, en fait, à la génération suivante. Évidemment, la culture se modifie, évidemment, c'est clair, elle n'est pas figée. Mais il y a quand même une permanence, on va dire. Et ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une rupture totale, et que, sous l'influence de la propagande cosmopolite, de la propagande globaliste, parce qu'il y a quand même des gens derrière qui ont un intérêt à tout ça, c'est bien compris, c'est de transformer les gens en esclaves absolus qui ne savent plus. Enfin, où il n'y a plus de passé ni de futur, où c'est un éternel présent. Et les nègres ont une propension à ça, puisqu'ils vivent là-dedans. Mais les blancs ne vivent pas là-dedans. Le nègre, effectivement, c'est tout le problème. Hein, le problème des nègres, le problème racial des nègres, c'est qu'en fait, ils n'ont pas la capacité à anticiper, à se projeter. Ça a été dit par MacDav, d'ailleurs. Donc, ils sont dans un éternel présent, ils sont très portés sur l'émotion, la satisfaction immédiate de besoins, même charnels. Bon, ça, c'est le nègre. Bon, l'arabe un peu plus sophistiqué quand même, sont pas trop caricaturaux, mais le blanc est beaucoup plus dans l'anticipation, la construction, il bâtit. L'homme blanc est bâtisseur, créateur, travailleur. C'est un peuple de paysans, c'est un peuple d'architectes, c'est un peuple aussi de philosophes. Hein, bon, voilà. Et alors, ce qui se passe, c'est à cause de cette rupture totale, tout devient possible. C'est-à-dire que parce que l'homme blanc devient un sauvage, littéralement, quoi. On tombe au niveau des nègres. Et on n'a plus de conscience historique, on n'a plus de conscience de filiation, et on peut te mettre n'importe quoi devant les gens ne réagissent plus. Je veux dire, c'est le côté... c'est, comme on dit quand on a affaire à quelqu'un qui est ivre, on dit c'est de la viande saoule. C'est-à-dire que, voilà, tu peux lui foutre un coup de poing, un truc, il ne sent plus rien. C'est la même chose. Nous, on a affaire, malheureusement, avec notre propre peuple, à des gens qui on peut leur foutre n'importe quoi. De Gaulle en nègre, ça passera. Ça passera. Les gens ne réagissent plus. Ils sont anesthésiés. Anesthésiés. Pour les raisons que tu as dites, d'ailleurs. Moi, il y a un truc... Je vais peut-être choquer les gens, là, sur ce que je vais dire. J'ai quasiment pas de haine en fait envers les non-européens qui sont chez nous, parce qu'en fait c'est faut comprendre le truc, c'est-à-dire que les mecs, on leur ouvre une porte. Les mecs, bon bah qu'est-ce qu'ils font? Bah c'est des gens qui disent bon bah voilà, on nous dit de venir, bah on y va, on s'installe. Alors après forcément il y a la shoot spa, il y a le, hein, les mecs qui se gargarisent, ah ouais mais moi je suis français, machin, ouais, bon ta gueule, bon, bref. Les mecs sont là, ok d'accord. Mais vous savez pour qui moi j'ai vraiment du ressentiment, ceux qui m'énervent le plus, c'est les gens, enfin c'est les blancs quoi. Parce que les blancs, faut bien comprendre ça, c'est que on a conquis le monde. Pas forcément que par les armes, mais ne serait-ce que par la culture. Là, t'as des peuples qui sont formidables, comme les Japonais, qui sont des peuples vraiment très raffinés, qui sont des peuples super intelligents. Ils sont totalement fans de ce qu'on a fait. Ils s'inspirent énormément de la culture européenne. Les Blancs, on est véritablement, et je dis ça avec beaucoup d'amour et beaucoup de tristesse en même temps, c'est qu'on est vraiment... On est vraiment des... Comment dire? On est des titans. Nous sommes des titans à genoux, en fait. Et non pas à genoux par rapport à ce que les autres ont pu nous faire ou nous font. On est vraiment à genoux parce qu'on n'est même plus capable, en fait, de savoir qui on est et savoir où on veut aller et avoir la volonté, en fait, la volonté d'exister, quoi. Bah ça, c'est le problème profond qui a été décrit par Nietzsche. C'est la mauvaise conscience des Blancs, cette espèce de poids en permanence, de culpabilité. Moi, je dis, à chaque fois que quelqu'un arrive vers vous pour vous culpabiliser, foutez-lui une gifle ou crachez-lui à la gueule. Physiquement, j'entends. Si quelqu'un vient... Oui, mais tu te rends compte... Mollard, gifle. Point barre. Le monde appartient aux forts. Il n'appartient pas aux faibles. Si le fort capitule, le faible va l'emporter, bien évidemment, mais... Il faut être fort dans la vie, il faut vouloir dominer, il faut une volonté de puissance. C'est la base de tout. Et ces gens-là, en fait, essayent de nous détruire. Là, je parle des saboteurs, des traîtres, et de l'ennemi, mais des traîtres, ils essayent de nous détruire en nous convainquant de notre faiblesse. C'est ça le cœur de tout ce qu'on vit. De tout ce qu'on vit. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de rapport de force total, au sens où c'est l'exercice de la force qui va déterminer qui est au-dessus et qui est au-dessous. Ce n'est pas du tout ça. C'est de nous convaincre, c'est une guerre psychologique, c'est de nous convaincre qu'il est inutile de résister puisque nous n'avons aucune chance de gagner. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle une démoralisation. Nous sommes en pleine phase de démoralisation. Oui, je parlais de molard, oui. De démoralisation. On est en pleine phase de démoralisation de masse par des traîtres qui tiennent absolument tous les leviers du pouvoir, pouvoir culturel, pouvoir politique, pouvoir économique, c'est les parisos et compagnie, voilà, pour toutes sortes de raisons, qui nous démoralisent, qui disent « ça sert à rien ». D'abord, vous ne valez rien, et puis ensuite, ça sert à rien de résister, vous avez déjà perdu d'avance. Pourquoi même tenter? Et puis ensuite, regardez les formidables populations qui nous arrivent, elles sont tellement supérieures. Qu'est-ce que vous avez opposé à ces gens-là? Bah oui, c'est vrai. C'est vrai, hein, par rapport à des tas de bouses séchées, la cathédrale de Chartres, excusez-moi, qu'est-ce que ça présente? Qu'est-ce que ça présente? On se demande. Bon, c'est ce truc-là qu'il faut extirper absolument par tous les moyens, y compris même des moyens qui peuvent paraître brutaux. Mais on est en train de vouloir nous détruire, et on ne nous détruira jamais physiquement parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est comme les féministes, quoi. Les féministes veulent venir à bout de l'homme, problème, un aller-retour et c'est terminé. Donc c'est uniquement par, comment dirais-je, l'intoxication, le bluff, la ruse, c'est constamment par ça pour nous convaincre qu'il est inutile de résister. C'est pour ça que moi je dis toujours, tous les facteurs de démoralisation, à commencer par le défaitisme, doivent être vraiment chassés de nos milieux parce que c'est toute la cause de nos malheurs. C'est pas parce qu'on est incapable militairement, ou incapable économiquement, ou parce qu'on est trop con, ou parce que physiquement on est des avortons, ça n'a rien à voir avec ça, c'est parce que dans nos chignons, on s'est foutu dans la tronche qu'on était capable de rien. Alors que c'est faux. C'est ça le truc. Et regardez, un exemple, la France comme puissance politique, comme État, je veux dire. Aujourd'hui, c'est le gendarme de l'Afrique de l'Ouest, on est d'accord. Hein, c'est les soldats français qui sont au Mali, qui sont en Côte d'Ivoire, etc. Sont-ils nombreux? Est-ce qu'on a affaire à 1,5 million d'hommes? Non, c'est quelques milliers d'hommes voilà, qui sont en action, etc., et qui sont déterminés, et qui ont un commandement, une ligne claire. Ils tiennent en respect un continent gigantesque, comme vous le savez. Bon. Et nous, en France, on se fait intimider par des poignées de nègres, ou des poignées de crouilles, ou par des bonnes femmes, ou par des juifs. Mais c'est une blague ou quoi? C'est là le truc, c'est pour ça qu'il faut absolument couper ce nœud crucial qu'est le nœud psychologique. Il faut que les gens regagnent confiance en eux-mêmes quand les blancs, et j'ai même pas besoin d'avoir 50% des blancs, il nous suffira de 10% de blancs, mais déterminés, ayant conscience d'eux-mêmes, ayant conscience de ce qu'ils sont, de ce qu'ils veulent, 10% seulement. Et la table est foutue en l'air. C'est ce que tu as dit est très important, et c'est pour ça qu'ils s'acharnent sur tous les repères, tout ce qui peut nous permettre d'avoir conscience de nous-mêmes, tu vois. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Et sur cette base-là, que voulons-nous? C'est tout ce qu'ils veulent détruire, parce qu'ils savent que ce n'est que par là qu'ils peuvent nous vaincre. Ils ne peuvent pas nous vaincre physiquement, ils ne peuvent pas nous vaincre par l'intelligence, ils peuvent nous vaincre que quand nous poignardons dans le dos. C'est la seule façon. Là, c'est vraiment un point qui est vraiment très très important, et comme tu l'as dit, on est souvent confronté dans la société française à des gens qui effectivement se sentent impuissants, puisque ce sentiment d'impuissance leur a été donné en fait, tant par les médias que par la déséducation nationale que par leur vie. Et en fait, il y a énormément de gens dans nos milieux qui s'acharnent en fait à vouloir transmettre en fait ce sentiment d'impuissance aux gens qui ont encore envie de lutter en fait. Et ça, c'est vraiment catastrophique. Je suis arrivé très tard dans le militantisme politique Et j'ai été confronté à des gens qui avaient une posture de blasé. Ouais, mais attends, tu comprends, moi je milite depuis que j'ai 18 ans et tout, ça changera jamais, ça a jamais rien changé, des machins, des machins. Bon, et moi je leur ai toujours dit, écoute, ferme-la. Je veux dire, qu'est-ce que tu viens me casser les couilles à moi à vouloir essayer de me démotiver alors que je viens pour essayer de participer au sauvetage de ce qui nous est le plus cher? Tu devrais être content de voir du sang frais arriver à chaque fois. Mais non, les mecs, ils sont sur une espèce de. En même temps, c'est une posture de vieux de la vieille blasé qui a tout vu, tout fait. Et en même temps, c'est effectivement des gens qui ont subi de plein fouet, pardon, cette guerre psychologique qui nous est livrée. Notamment via tout ce qu'on a dit et via le principe de l'impuissance acquise. Hein. Les gens, comme tu l'as dit, hein, les gens qui vous disent. On ne peut rien faire, c'est trop tard. Ils sont Qui trop crèvent, qui nombreux. se suicident, qui filent leur corps à la Voilà. science, t'as tout à fait raison. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ces gens-là, il faut qu'ils la ferment. Soit ils prennent le pli, ils vous emboîtent le pas, soit ils la ferment et ils dégagent. Argyle, j'ai envie de t'entendre là-dessus. Oui, effectivement, il y a un point qui a été soulevé. Dans nos milieux, ceux qui disent ouais, mais de toute façon, c'est trop tard, c'est foutu, ça sert plus à rien. Ou alors ils estiment que leur activisme d'il y a quelques années, en gros, vu qu'ils n'ont pas vu de résultats directs, ils estiment que vu qu'eux, ils ont fait le boulot il y a, enfin, soi-disant, ont fait le boulot il y a 15-20 ans, bah ouais, voilà, c'est terminé, de toute façon, bon, bah voilà, il n'y a plus que le repli sur soi, la résignation, puis de toute façon, ça sert à rien. Puis, je vois tout à fait ce que voulait dire notre camarade, tu sais, avec ce côté condescendant, tu sais, ah bah oui, je vois, bah oui, je comprends votre enthousiasme, mais bon, voilà, moi je l'ai eu à votre âge, mais maintenant c'est terminé, il y a plus rien, parce que lui n'a pas perduré, n'a pas pérennisé son engagement militant, il estime que bah voilà, celui qui rentre, qui est tout petit flamme au départ, et qui a une réaction. On va dire saine et identitaire et militante, il dit, mais oui, il essaie de lui casser les pattes en lui disant, mais allez, de toute façon, ça sert à rien, c'est foutu, c'est fichu. Ben voilà, ces types-là, en temps de guerre, ces gens-là, dans un certain moment, par certaines armées, ils sont fusillés. Je crois que ce genre de type qui va te démoraliser, en particulier des jeunes ou des gens qui veulent bien faire, qui veulent apporter leur pierre à l'édifice, eh bien, ces gens-là, effectivement, il faut leur dire de dégager, leur claquer la gueule, leur dire d'aller se faire foutre. Mais c'est plus possible. Ça, c'est pire que mieux. C'est pire qu'un adversaire. C'est le mec qui démoralise des troupes qui sont déjà pas, on va dire, très, on va dire, vaillantes, je veux dire, pas très nombreuses. Et tu as ce genre de connard qui te dit, mais oui, bah, de toute façon, c'est fini, il ne faut plus croire en rien. Eh bien, ces connards-là, il faut leur dire de dégager. Si vous en avez dans des réunions militantes, dans les endroits où vous êtes, mais vous leur dire, mais casse-toi, espèce de connard, menacez-le physiquement, dites-lui d'aller se faire foutre, dites-lui d'aller crever, pourrir dans son coin, et ces gens-là, on n'en a pas besoin, parce que c'est des gens qui sont pire que nos adversaires politiques, puisque à l'intérieur même de la résistance, ils vont essayer de démoraliser les troupes, et ces gens-là méritent le sort de traître, c'est insupportable, on en voit sur les réseaux sociaux, on en rencontre, on en voit, mais que ces types aillent crever, que ces types ou ces bonnes femmes qui veulent empêcher ceux qui ont le courage et qui ont la lucidité nécessaire pour s'engager dans un combat à mort contre la disparition de notre civilisation, que ces types-là crèvent et faites-les dégager des endroits où vous êtes, des endroits où vous rencontrez des gens qui veulent résister. Même au sein d'un repas de famille comme ça, si vous voyez qu'il oh, mais ça sert plus à rien, vous en êtes toujours. Faites-lui fermer sa gueule à ce connard, au même titre que la cousine gauchiste. C'est ce type-là, quand bien même il a eu nos idées ou il a nos idées, mais il n'est plus capable de les défendre, eh ben envoyez-le chier comme les autres. Alors, chers amis, toujours en rubrique autisme radical, assez longue, hein, vous le voyez, bon, c'est vraiment, là, c'est d'un trait, d'une traite, hein, Il y a matière. y a matière, tout à fait, Argyle. Sujet numéro 4, l'imam salafiste de Brest devient référent laïcité. Eh ouais. Ah bah oui, c'est autisme radical, l'agorafisation de la France, en direct, sous votre regard et sous... accompagné des commentaires de vos serviteurs. Alors voici, je vous livre, c'est Rochatoudet hein, qui s'en faisait l'écho. L'imam controversé, connu pour des prêches radicaux, a été récompensé par un diplôme universitaire à Rennes, lui permettant de devenir référent laïcité dans divers domaines professionnels et associatifs. Des commentateurs s'en sont scandalisés. Alors surtout, point très important, et ça c'est le petit scoop que je voulais, il veut accéder, alors il n'est pas encore validé, mais il voudrait accéder au tolard musulman de la maison d'arrêt de Brest. À l'Ermitage, très précisément. Et oui, c'est tellement mieux si on peut avoir accès aux tolards hein, du milieu, qui connaissent bien toutes les ficelles, machin, pour son business. Et oui. Avec l'aval de la République. Attention. Et puis avec la rémunération, je pense aussi. Ah bah évidemment. Les voies d'Allah sont presque impénétrables. Alors je poursuis l'article de Rocha Today. Il a défendu un islam ultra-conservateur et souvent considéré comme proche du salafisme. L'imam de Brest, Rachid Eljed, dit Rachid Abou Daifa, donc voilà, s'est-il racheté une conduite ? Il vient en tout cas d'être diplômé par l'université de droit de Rennes 1 en religion, droit et vie sociale. Disons qu'il a été diplômé en personne par l'ancien maire socialiste Edmond Hervé, qui lui-même est un ancien ministre de Mitterrand, hein, pourquoi pas, mais aussi sous les bons auspices de Monseigneur d'Ornelas, archevêque de Rennes, s'il vous plaît, le salafisme à la maison, mais quand même avec un petit peu d'eau bénite, ça va quand même mieux. Et puis alors, toute la cohorte des magistrats, etc. Donc on a maintenant nos salafistes républicains. Pas mal, non? Ça avance, le schmilblick, j'ai envie de dire. Alors, qui veut réagir face à ce... Le référent laïcité. Voilà, il va pouvoir intervenir... dans les entreprises, dans les tôles, partout, il va dire voilà, la laïcité, c'est ça. Ça fait un peu le lien avec la vidéo de la CAF, vous vous rappelez? Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà, la laïcité à la sauce à la. Voilà, c'est ça, c'est la laïcité revue et corrigée par les laïcars. Bah, je sais pas, il s'est passé quelque chose entre temps. Je sais pas, ils ont. Alors, la laïcité avec l'Église catholique, c'était pur et dur. Hein. La libre pensée, tu l'as dit en début d'émission, Argaël. Pas l'ombre d'une croix, enlever cette crèche que je ne saurais voir de mon hall de mairie, au secours, Marianne, ils sont devenus fous, la République est en danger. Alors par contre, les salafistes référents laïcité, ah très très bien, progressistes, on avance. En fait, la seule chose, moi je trouve que la seule chose qu'il va manquer là dans l'équation en fait, c'est un instructeur des forces spéciales ou de guérilla en fait, contre insurrection. Enfin là je trouve que t'as tout ce qu'il faut, c'est-à-dire t'as les mecs au passé criminel hein, qui sont en relation avec l'imam salafiste, donc les mecs c'est déjà des, on sait tous, c'est des bougnoules déjà musulmans quoi, qui va encore plus les radicaliser. La seule chose qui manque à ces mecs-là, finalement, c'est vraiment un entraînement militaire de qualité ouais. pour pouvoir ouais. Fomenter des coups ou mettre la mainmise totale, mettre des quartiers entiers de villes ou même des villes sous coupe réglée, en fait. Et puis là, c'est génial, quoi. Moi, je propose les stages commando républicains pour les islamistes. Pas mal. Mais là, c'est moi, je vote. Oui, mais vous savez, c'est que déjà, la plupart des Maghrébins, des musulmans qui sont dans l'armée française, c'est pas pour défendre la patrie, hein, c'est pour obtenir un entraînement militaire tout en étant payé. Oui, c'est peut-être pas la même patrie, c'est plutôt la Houma, hein, ils s'engagent pour défendre... Oui, voilà, oui, c'est pour ça que je dis défense de la patrie, c'est théorique. Oui, effectivement. Quelqu'un d'autre sur ce... la laïcité, ça avance, hein, c'est pas un projet figé non plus, hein. Pas besoin d'être réactionnaire, quoi. Hein. La laïcité. Moi, je trouve que c'était bien résumé par la vidéo de la CAF. Référez-vous à la vidéo de la semaine dernière, hein, chers auditeurs. On avait... Alors, à défaut d'avoir tout dit, on avait au moins montré. Et on avait montré cette vidéo, et effectivement, voilà. Le projet était annoncé. C'était intéressant. Bon, alors, notre imam de Brest, vous êtes conquis par le salafiste. Référent laïcité, bon, c'est bon, non, mais là, c'est bon. C'est... Autisme radical, hein. Clairement. Alors, je précise que Derek nous a rejoint pour la fin de l'émission. Ah ah bah oui. Oui. Et j'enchaîne sur le sujet numéro 5 de cette rubrique Autisme Radical, puisque là, c'est Noël, hein, édition spéciale. Alors là, j'ai trouvé ça magnifique. Ferrette, en Alsace. L'Alsace, une terre très, très, très belle région, comment dirais-je, d'Anatolie, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est l'institutrice enseigne aux migrants, les enfants du village restent sans école depuis 5 semaines. Alors là, je vous envoie, vous venez avec moi, nous allons ensemble vers de nouveaux rivages. Je vous lis hein, le truc. Ferrette est une commune du Zundgau, sud de l'Alsace, à la frontière suisse, de 683 habitants. Le village avait fait la une il y a un an, car c'était un des premiers villages en Alsace à accueillir des migrants. Plus de 80 migrants, soit plus de 10% de la population du village, ont été accueillis. Aujourd'hui, loin de l'idylle décrite par les journalistes, les habitants en ont assez. En cause, l'absence d'école pour les enfants du village depuis 5 semaines. Alors, je précise que l'article que je lis est a pour source Alsace Actu. Hein, je vous recommande la lecture. Comme dans beaucoup de centres d'accueil, des cours sont dispensés par l'éducation nationale afin de favoriser une meilleure intégration des nouveaux venus. La langue française est ainsi enseignée, car peu la maîtrisent vraiment. Une vingtaine d'enfants de 4 à 8 ans sont arrivés en début d'année dans ce centre. L'institutrice du village est ainsi affectée à leur instruction. Bien évidemment, une remplaçante vient faire cours aux élèves de Ferrette, du village donc. Pas question en effet d'abandonner ses enfants, leur instruction est obligatoire, rappelons-le. Tout a donc été prévu. Les aléas de la santé sont là, la remplaçante tombe malade. Visiblement, c'est assez grave, puisque voilà 5 semaines que celle-ci n'a pas pu donner de cours. Le problème est ici, rien n'a été prévu pour remplacer la remplaçante. Et les enfants de Ferrette n'ont donc pas école depuis 5 semaines, donc plus d'un mois. Une situation difficilement acceptable pour les habitants, sachant que les migrants ont, eux, des cours assurés par l'ancienne institutrice. Pour les parents d'élèves, la pilule est difficile à avaler. Leurs enfants vont avoir des lacunes à cause de cette interruption longue de l'enseignement. Il faudra rattraper ce retard. Bien évidemment, une telle situation ne renforce guère la sympathie des autochtones pour les migrants. Alors voilà, alors bon, je m'abstiens de commentaires, je vous donne la parole, et comme Derek nous a rejoint, je vais lui donner prioritairement la parole. Derek, si tu es avec nous, toujours est-il. Oui, salut tout le monde. Alors, bon, les migrants prioritaires en Alsace pour apprendre le français. Alors, je précise que je suis un défenseur de la langue alsacienne, donc je promeus la défense de l'enracinement et donc l'enseignement de la langue alsacienne, mais nous n'en sommes même plus là, puisqu'il n'y a plus d'Alsaciens. Et donc, une vague langue française est enseignée aux Pakistanais qui se bousculent là-bas, donc les choses avancent. Oui, hein, voilà. Si tu veux, l'Alsace, ça a été allemand pendant un petit moment, donc il faut qu'il s'excuse. Une rédemption. Plus que les restes des Français, ils doivent s'excuser, et là je trouve que c'est une bonne manière de s'excuser comme il faut. C'est très bien. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, c'est pas mal. C'est-à-dire que, voilà, n'oubliez jamais, préférence étrangère. Argyle, la préférence étrangère, toi, ça te parle. Moi, je voudrais surtout aborder le point de l'institutrice. C'est qu'à aucun moment, l'éducation nationale n'a pu l'obliger à abandonner son poste au sein de l'école pour enseigner aux migrants. C'est qu'en fait, elle en a fait la démarche personnelle. C'est-à-dire que l'institutrice a choisi, donc, même si elle était remplacée, c'est elle-même, de manière volontaire, l'institutrice du village, hein, c'est bien précisé dans l'article, qui enseigne aux migrants. Et ensuite, elle a été remplacée. Donc, elle a fait la démarche volontaire de, plutôt que de conserver les petits Alsaciens, elle voulait enseigner auprès des migrants. Donc, déjà, je crois qu'on a droit à un cas de gauchisme, d'ethnomasochisme, quand même assez impressionnant. C'est ce qu'on appelle le grand remplaçant. Oui, voilà, c'est ça, c'est le grand remplaçant. Et ensuite, que l'éducation nationale, même si l'institutrice tombe en malade, en arrêt maladie, aurait pu avoir au moins l'essence, l'intelligence pour éviter la polémique, d'immédiatement la faire remplacer, mais non. Comment ça a peu d'importance que en fait les gamins se retrouvent depuis 5 semaines. C'est 5 semaines qu'ils sont restés sans institutrice, pas 3 jours, pendant que l'institutrice qui était censée, voilà, qui était titulaire du poste, est en train d'enseigner des rudiments de français à Mokhtar, à Faudé, le jeune migrant de 38 ans, pour lui apprendre quelques mots de français pour qu'il puisse aller chercher ses émoluments à la CAF. Le jeune mineur, Voilà, s'il te plaît. Un je enfant. trouve que je trouve que les parents d'élèves sont restés modérés dans leur réaction, Non, mais puisque c'est moi, ça. si ça m'arrivait, Et je t'as pense raison. que j'aurais une réaction quand même un petit peu plus vindicative. Alors, Argyle, tu as totalement raison. Il y a quelque chose qui me surprend beaucoup en Alsace, mais qui ne me surprend pas. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est la docilité des Alsaciens. Docilité toute germanique pour l'autorité. Donc en fait, on les prive d'enseignement garanti par la Constitution. Donc c'est leurs enfants qui en sont privés dans ce village de la Ferrette pour scolariser, alors tenez-vous les côtes, des nègres hirsutes qui sortent du Soudan, de je ne sais où, enfin des égorgeurs en puissance. Et il ne se passe rien, c'est-à-dire qu'il reste là, bouche bée, bah oui, bah peut-être que, machin, le maire tousse un peu. Non, je suis désolé. Je veux dire, pourquoi. Enfin, les gens en France doivent quand même commencer à connecter les points. Il est quand même temps de faire, enfin, d'établir les relations de cause à effet. Si vous n'allez pas investir violemment les locaux du rectorat à Strasbourg, comment voulez-vous vous faire respecter? En France, on ne respecte que la violence. C'est triste. Je m'en félicite pas. Mais c'est une réalité. Les pouvoirs publics, les préfets, le gouvernement ne respectent que la violence. C'est pour ça que la pire racaille qui existe dans tout l'Hexagone et même au-delà, mais bon, dans l'Hexagone, a le droit à des ponts d'or, c'est vrai, dans toutes les banlieues de France et de Navarre, en Île-de-France et ailleurs, où on leur fait des programmes sociaux, des injections massives d'argent, on rénove leur HLM, qui vont d'ailleurs souiller immédiatement. Bon, ces gens-là, pourquoi on leur propose ça? Parce qu'ils sont ultra violents et que les pouvoirs publics ont peur de la force, et que les gens qui sont dociles sont in fine des gros couillons. Des gros couillons. Si les Blancs étaient méchants, s'ils se faisaient respecter, y compris par la force quand c'est nécessaire, comme les paysans savent le faire quand c'est nécessaire, je veux dire, les agriculteurs, quand ils sont pas contents, ils prennent leur tracteur, ils vont défoncer des trucs. Et immédiatement, le gouvernement ferme sa gueule. Et il n'y a jamais un agriculteur qui est foutu en tôle. Bon, ça doit donner de la matière à réflexion quand même, ce truc. Et là, on a des gens qui veulent foutre leurs gosses à l'école, on leur en prive pour apprendre, soi-disant, un français très approximatif, on en a parlé, à des bamboulas du Soudan. Mais c'est une blague ou quoi? Et je ne vois rien en Alsace se produire. Non, oui, le maire a protesté. Non! Non! Les locaux du rectorat doivent être envahis. Envahis, littéralement. La rectrice attrapée par le col. Faut être sérieux, quoi. Je veux dire, c'est pas une fleur que fait l'éducation nationale de prendre en charge les enfants de la population autochtone, quoi. Je veux dire, c'est pas un cadeau. Les gens payent des impôts et suffisamment pour que ce soit un minima pris en charge. C'est pas pour faire des cours de lecture ou faire enfoncer des, comment dirais-je, des cubes dans des ronds à des nègres, quoi, comme en maternelle, quoi. C'est pas possible. Ben moi, ça me révolte un truc pareil. Et non, ils sont là, oui, oh bah oui, bon, on sait pas, pff, truc. Le rectorat dit rien, voilà, pas de communication, rien. Ça, c'est la fonction publique française, ça, c'est vraiment, vraiment les pouvoirs publics français, oui. C'est là que vous voyez que vous êtes considéré comme de la merde par cet État, quoi. Alors, ils sont là, les grands mots, citoyens, république, tu parles mon cul, ils se foutent de nous à longueur d'année. Parce que là, en l'occurrence, quand vous voulez faire valoir vos droits, mais ils disparaissent tous. Il n'y a plus un type pour répondre à aucune question. Bref, ils se foutent de nous. Ah, par contre. Surtout qu'en fait, il suffit d'une mobilisation accrue sur quelques jours et le Oui. rectorat cédera. C'est-à-dire Oui. immédiatement, il enverra une remplaçante s'il y a des gens suffisamment motivés qui viennent foutre le bordel. Il faut pas Mais grand-chose. Ils c'est sont une d'une OCR, du faiblesse, coup, d'une là. lâcheté. Dès qu'on montre les crocs, Dès que n'importe quel syndicat montre un peu les dents, immédiatement, ils arrivent à dépêcher des moyens. Donc, c'est totalement anormal que pendant 5 semaines, c'est comme tu dis, Gandalf, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune mobilisation avant qu'on commence à en parler maintenant. Mais c'est certain qu'ils céderaient immédiatement si tu avais une 20aine de parents d'élèves qui allaient foutre le bordel au rectorat, c'est certain. Les amis, petite discussion assez libre. Bon, le format est libre aujourd'hui puisque c'est Noël. Hein. Enfin, donc, voilà. Ça, c'est une vidéo qui est passée. Moi, je l'ai diffusée aussi. C'est Reims. On est devant la cathédrale. Et alors, il y a des... Enfin, c'est pas la première fois que je vois ça, mais... Enfin, là, quand même, c'était quand même bizarre. Il y a des grilles... comment on appelle ça, les grilles qu'on déploie là pour les manifestations, vous savez, là, les... Je sais même pas comment on appelle ça. C'est des barrières de sécurité, tout simplement. Ouais, des barrières de sécurité, voilà, typiques, là, en acier. On les déploie partout, il y a une espèce de corridor. On a, là, cette vue de la cathédrale de Reims qui se dresse devant nous, très, très, très belle. Et ensuite, une espèce de dédale de barrières de sécurité avec des gens qui sont un peu perdus, des policiers municipaux, etc. Là, je me suis dit... Ok, l'esprit de Noël à Reims, c'est en gros... Enfin, à Reims, je dis à Reims, mais par extension ailleurs, hein, en France. C'est en gros un camp assiégé, voilà, où vous devez regarder par-dessus votre épaule pour voir s'il n'y a pas une espèce de fou bougnoule qui va vous planter. Voilà. Enfin, j'ai été scotché devant ça. Je vais commencer par MacDav. Je veux entendre MacDav m'en parler. Oui, alors, tiens, je ne sais pas si on entend ce bruit fantastique. Mais, très joli voilà, bruit. Hein. Très joli bruit. Non que je connais bien, hein, puisque je suis moi-même champenois et j'ai vécu à Reims plusieurs années, j'y ai fait mes études. Oui, bon, ben, c'est un. Si tu veux, ça devient un trou à rats. À cause de. Tout simplement de. De l'immigration africaine. J'ai vécu dans les deux quartiers, entre peut-être les plus terribles de Reims, qui sont Wilson et Croix-Rouge. Et effectivement, tout est dû à l'immigration afro-bougnonique. Absolument tout. C'est très simple à résumer. Mais c'est le cas de très nombreuses villes. Et en fait, quand tu marches à travers Reims, qui est une très jolie ville, d'un point de vue architectural, il y a des quartiers qui ont été rasés pendant la guerre, donc qui ont dû être reconstruits. C'est un peu soviétique, mais tu as quand même de très très beaux quartiers. La cathédrale est splendide, c'est absolument magnifique. Et ce qui est assez terrible, c'est que la ville a résisté aux bombardiers allemands, quelque part, même s'il y a eu des dégâts. Mais elle n'a pas résisté à l'invasion des nègres. D'un point de vue esthétique, je parle. C'est d'une... C'est très très laid. Oui, tu dis, maintenant, dans Reims, centre-ville même, autour de la cathédrale... Parce que je crois qu'il y a des événements, il y a plus ou moins des fêtes, ou je sais pas quoi, tu vas nous expliquer ça. Puis il y a des bandes de bamboulas qui débaroulent, hein, je crois. Hein. Ouais, c'est ça, bah, c'est un peu ça en fait. Tu as le même phénomène qui passe à Nantes, qui se passe dans d'autres villes et qui se passe évidemment à Paris, c'est que les banlieues déferlent dans le centre-ville au moindre événement. Donc, soit le marché de Noël, soit la fête de la musique, et ils foutent un boxon pas croyable. Mais c'est très connu des services de police. La presse, y compris régionale, n'ose pas trop en parler. Mais non, mais c'est pas qu'elle ose pas, non, tu t'exprimes mal, c'est pas qu'elle ose pas, c'est qu'elle opère une censure stricte. Oui, effectivement, tu as raison. Tu as tout à fait raison. Mais par exemple, les fêtes de la musique à Reims sont connues pour être un déferlement à partir d'une certaine heure des masses immigrées. Et c'est quand je dis que c'est de la sauvagerie pure. Faut le voir pour le croire. Hein. Ouais. Quand tu as des masses immigrées qui arrivent, qui sont plusieurs centaines et qui viennent pour casser du babtou, parce que c'est ça, hein, ça devient terrible. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Pendant, je crois que c'est le même jour hein, où Clément Méry qui est mort parce qu'il s'est battu avec un type et qu'il est tombé sur un poteau en fer, eh bien le même jour, un jeune homme qui était qui faisait les arts et métiers à Chalon, hein, donc un peu plus au sud, est mort parce que il a refusé de donner une cigarette à un bougnoul. Le même jour, évidemment, il n'y a pas eu un mot dans la presse. Moi, ouais, pratiquement pas. Et il est mort, place d'Erlon, hein, donc cette assez jolie place qui est dans une ville en voie de déliquescence. Et c'est vraiment le quotidien des petits blancs de province. Les villes de taille assez importante, taille moyenne, ressemblent de plus en plus à Paris. Et c'est pas une qualité en fait. Hein. C'est assez déplorable. Et c'est vraiment dommage parce que on pourrait faire des choses assez jolies à Reims. Bah, à Reims, attention, à Reims, Reims. Oui, bien sûr, évidemment. Ouais, c'est comme Saint-Denis en fait. Hein, tu vois. Ah oui. C'est des villes emblématiques du passé français. Mais qui malheureusement deviennent totalement envahis du présent français, effectivement. Oui, c'est comme Strasbourg ou Troyes. Enfin, oui. Tu te balades dans ces villes qui sont vraiment emblématiques de la culture européenne, avec des vieilles maisons à colombages, avec les ruelles étroites, mais que c'est envahi de peuples africains. Tu te demandes où tu es. Enfin, ouais. Il y a un côté science-fiction. C'est assez. Marrant. Ces grandes réalisations qui deviennent anachroniques totalement. C'est en fait, on se demande, on ne comprend pas. Effectivement, il y a un décalage qui est tel qu'on ne comprend absolument plus. C'est plus intelligible, effectivement. Effectivement. Alors, je vais quand même te dire un truc. J'ai beaucoup bossé dans les vignes. Et je t'assure que il y a un vieux, il y a quand même un bon sens chez les vignerons qui restent des paysans, surtout quand ils font eux-mêmes pousser les cèpes, à ne pas embaucher de bougnoules. Et je connais beaucoup de vignerons de Champagne qui font un point d'honneur à ne pas embaucher d'arabes. Ça, j'en connais plusieurs parce que j'ai jamais vu un arabe travailler dans les vignes. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être trop dur en fait. C'est haram. Non, bien, buvez du champagne alors. Hein. C'est important pour l'économie française, important pour l'économie de la Champagne, buvez du champagne. Hein, voilà. Oui, et puis faites vivre les petits producteurs, allez directement dans les côtes. Et faites vivre des récoltants manipulateurs. C'est marqué RM sur la bouteille. Évitez de faire vivre les grandes maisons de champagne qui sont quand même détenues en grande partie par des youtres. Ah, je ne savais pas ça. Bien sûr. Alors, j'avais voulu partir du cas de Reims, puisque j'avais la vidéo sous la main et que voilà, mais en fait c'est généralisé ça maintenant, aujourd'hui, en Allemagne c'est encore plus caricatural, mais je vais citer le cas de Brest, parce que bon, au moins je le connais, et puis maintenant il y a quand même un imam salafiste référent laïcité, donc bon, on peut parler de ces choses-là à peu près dans le calme, en sachant que les choses sont sous contrôle. C'est qu'il y avait la foire, je crois que c'est la foire Saint-Michel, alors je parle sous le contrôle des Brestois qui nous écoutent, je serais peut-être corrigé, ils me diront, mais je crois que c'est la foire Saint-Michel, mais si c'est pas ça, c'est une foire d'un saint quelconque, quoi. Et donc, c'est une espèce de foire opus, si vous voulez, c'est un petit peu calqué, enfin, c'est pas vraiment calqué sur la foire de Lille, mais c'est un peu l'esprit. C'est que voilà, il y a des exposants qui arrivent, qui proposent des trucs, qui vendent des machins, ça peut être tout ce que vous pouvez avoir à l'esprit, quoi. Et en fait, et convier la population. Donc en fait, des gens, des particuliers peuvent venir, vendre des trucs les plus originaux, ça peut être absolument tout ce que vous avez à l'esprit, qui traîne dans son grenier, qui. Bon, peu importe. Et donc, c'était ce côté-là qui faisait le succès de cette affaire à Brest et qui attirait beaucoup de monde, puisque c'était devant la mairie. Alors, la mairie, il faut voir la mairie de Brest, on en a déjà parlé dans cette émission, c'est un truc soviétique, on se croirait à Stalingrad, avec ce espèce de gros cube posé au milieu de tout, en plus occupé par des socialistes. Mais disons que la place est très très grande, et alors on peut, tout le monde peut exposer, mais à cause des attentats, et à cause de la menace bougnoulique, ils ont dit on peut plus accepter les particuliers, donc il n'y aura plus que les pros, et on va mettre des plots de béton tout autour. Résultat, bah évidemment la fréquentation est en chute libre, etc. Enfin, bah, l'événement lui-même est menacé, quoi. Et alors ça rejoint le truc que j'ai vu avec le marché de Noël de Reims qui était cerné d'un dispositif sécuritaire incroyable et qui démontre que la France devient, alors je vais pas dire une zone de guerre ouverte parce que ce serait quand même exagéré, mais une zone de guerre larvée, on va dire, ou en tout cas une zone où plane une menace, quoi, je veux dire. Mais on a changé totalement d'époque, ce qui était ce qu'on vit maintenant, mais qui était impensable encore il y a 4 ans, 5 ans. Hein. Qui en fait, veut Vas-y, ouais. Ouais, excuse, je t'ai coupé, mais les dispositifs qui sont déployés actuellement, hein, comme on voit les grands blocs de béton qui sont dans quasiment toutes les grandes villes de France, les grillages, les choses qui permettent de contrôler la foule, quelque part, tu dis que c'est une zone de guerre, mais oui, parce que quand tu regardes dans les zones d'opération extérieures, c'est comment les checkpoints ou les protections des bases avancées ou les protections des ambassades, ben, c'est comme ça en fait. Ils mettent des dispositifs anti-véhicules, où ils vont pouvoir faire des contrôles en amont pour pouvoir éviter les explosions et compagnie qui endommagerait les bases, les bâtiments et beaucoup plus de personnel, bah c'est ça en fait. Et le truc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la diversité, la proximité, c'est égal à la guerre en fait. C'est-à-dire que quand tu mets des diversités plus proximité égale guerre. Quand tu mets sur un même territoire donné des gens qui ne sont absolument pas du même groupe ethnique, racial et culturel, et que tu les forces à vivre ensemble, forcément, tu arrives à ce qui se passe actuellement, sauf si tu mets en place ce qui s'est passé, par exemple, en Afrique du Sud, à savoir l'apartheid, quoi. C'est toujours la même rengaine, quoi. Quelle que soit l'époque et l'endroit, ça a toujours été pareil, quoi. La logique de groupe, le tribalisme, fait que... Argyle, toi, qu'est-ce que tu penses de ces marchés de Noël qui deviennent de véritables forteresses, parce que qui dit marché de Noël, c'est la légèreté, c'est la fête, c'est la famille. Et puis là, tout d'un coup, maintenant, on arrive, il faut regarder au-dessus de son épaule, on est fouillé, votre sac, s'il vous plaît, madame, etc. Enfin, on a l'impression d'être en guerre, mais sans être en guerre, tu vois, ce qui est d'ailleurs le but d'ailleurs des djihadistes, ça c'est un fait. Mais tout en ayant une presse qui vous explique, enfin une presse, les médias, les politiciens qui vous disent « Ah non, mais rassurez-vous, madame... rien n'a changé, hein, tout est comme avant, hein, on est bien d'accord. Hein. D'ailleurs, la diversité est une force. Oui. Et ça, psychologiquement, pour les gens, c'est très dur. Toi, est-ce que tu l'observes autour de toi? Est-ce que par hasard, je sais pas, à l'occasion d'un déplacement, ou est-ce que dans ton environnement immédiat, tu as pu voir ça sur un marché de Noël, enfin, peu importe. Hein, qu'est-ce que tu en dis de tout ça? Déjà, les vigiles qui fouillent les blancs sont des afro-maghrébins. Il y avait une image qui avait circulé sur Facebook où tu voyais, ça devait être dans un pays anglo-saxon, où tu voyais une sorte de douanière avec un voile qui était en train de fouiller une blanche. J'avais trouvé ça assez amusant, mais c'est un peu ça quand même. Quand, voilà, vous êtes protégé par des afro-musulmans et à l'entrée des supermarchés ou dans les marchés de Noël. D'ailleurs, on dit marché de Noël, mais on parle beaucoup de marché d'hiver. Hein. À certains endroits, ce ne sont plus des marchés de Noël. Il ne faudrait pas non plus discriminer ou offenser les populations musulmanes. Et c'est vrai qu'il y a ces jolis plots de béton. Et c'est vrai qu'il y a eu une recrudescence ces dernières années de voitures folles. Et ah oui, effectivement, pour lutter contre ces voitures folles, ces mécaniques détraquées, il est nécessaire de mettre des plots en béton. Donc voilà, c'est l'aveu qu'il est hors de question de remettre en cause la diversité et l'invasion afro-musulmane. C'est on met une barricade autour de la Tour Eiffel, là aussi il y a une barricade en construction. Et donc là, c'est-à-dire qu'on va, on va être en une sorte d'état de siège permanent, et surtout, mais surtout, on va crever, on va essayer de crever un peu moins vite hein, en mettant des plombs en béton, en mettant des barrières, en mettant des trucs de sécurité, mais jamais, jamais. Pour ceux qui sont fans de Walking Dead, c'est un peu comme si ceux qui survivent dans Walking Dead décidaient de vivre avec les zombies. C'est en disant, non, hors de question de faire des... On va mettre quelques petits trucs pour les empêcher de venir, mais on vit quand même avec eux. On ne va pas dans les endroits où ils ne sont pas. On les laisse quand même rentrer. On vit avec eux. On regarde s'ils sont pas trop méchants. On est méfiants. On regarde derrière soi s'ils ne vont pas nous mordre. Mais il est hors de question de discriminer les zombies, effectivement. Oui. Voilà, de remettre en cause le vivre ensemble avec les zombies. Bah voilà. En fait, vous êtes un personnage de Walking Dead, mais vous n'avez pas le droit de vous protéger face aux zombies. C'est un peu ça, là, la France et l'Europe d'aujourd'hui. C'est avec... donc vous êtes obligé de vivre avec eux, avec l'envahisseur, avec l'occupant, avec celui qui va vous égorger, qui va vous rouler dessus en voiture... qui va venir vous tuer chez vous. Donc là, il faut absolument pas essayer de dire que finalement, on serait peut-être un peu plus en sécurité entre blancs. Non, là, c'est impossible. Comme a été dit précédemment, le seul moyen, c'est de se débarrasser de toute cette pourrie, de toute cette vermine qui nous a jamais rien apporté autre chose que du crime, que de la souillure, que des dettes, que de la pauvreté. Que des maladies qui avaient disparu, enfin voilà, et avec en point d'orgue des attentats, avec un certain raffinement dans l'exécution des autochtones. Donc voilà, c'est l'apartheid, la remigration et l'apartheid, sinon la mort, je crois que ça a été bien résumé, et c'est ça qu'il faut foutre dans la tête de nos compatriotes qui sont encore assez lucides pour ne pas crever d'ici deux générations. Ouais, c'est bien ça. Oui, bon, je signale que tu m'as forcé à visionner cette horreur, hein, puisque pour la préservation de mon âme, hein, n'est-ce pas? J'évite ce genre de conneries, tu sais, genre les décapitations des djihadistes et les naines qui adeptent de nègres. Voilà, hein. Bon, alors qui a laissé la porte de l'enclos ouverte? Qui a fait ça? Qui a permis que cette chèvre s'échappe et nous fasse atterrir sur YouTube, quoi. C'est pas normal. C'est déjà avec quelqu'un qui a pas fait son boulot. Hein. Bon, après, putain, alors, le truc bah, là, chèvre, ça fait bah, bien. J'aime être avec les nègres parce que avec eux je. Comment dire, c'est quoi, c'est son handicap, elle le ressent pas avec eux parce que ouais, parce que le nègre effectivement est un handicap en lui-même, hein, je sais pas, peut-être le convergence des cuits aussi, hein, je pense que c'est proportionné à la taille, c'est réduit, donc c'est à peu près ça, quoi. Si elle faisait 1m80, là, elle fait 1m30, bon, bah ouais, elle doit être autour de 60-65, hein, à mon avis, ça doit être ça, quoi. On me dit. Mixitude. C'est le mot que je retiens, c'est mixitude. Hein, voilà, aimez-vous les uns les autres pour la mixitude. Saloperie, ouais. Crève. Alors, est-ce que. Alors, peut-être qu'elle serait pas mal en chaussures compensées, non? Ouais, enfin. Tu veux lui mettre des chaussures, ah bah, ouais. Enfin, moi je verrais plutôt, enfin, peut-être en faire du cuir, quoi, oui, chaussures compensées ou autre, quoi, hein, peu importe. L'enfer du cuir, c'est des... qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, hein. Bah, je sais pas, oui, bah, ça perd des chaussures, des trucs comme ça. Ah, ouais, qu'est-ce qu'on fait des chèvres? On fait des vêtements. On peut faire un déguisement en cuir pour un enfant, ouais. Ouais, voilà. Ou des abat-jours, hein, ça... Oui, ça dépend. Encore que, il y a beaucoup d'histoires non avérées sur l'histoire d'abat-jours, hein, on sait pas, hein. Ouais, mais bon... Des légendes. Des légendes. Oui, non, mais peu importe. Enfin, en tout cas, les communistes l'ont fait, quoi, ça c'est sûr. Hein. Comme toujours, comme toujours. Bah, de toute façon, c'est un point commun que les juifs font avec les communistes, c'est qu'ils accusent les autres des crimes qu'ils commettent. C'est oui, quand tu... C'est étonnant. Hein. Toutes les saloperies du monde, les saloperies du monde attribuées à certains innocents. Hein, regardez qui accuse. Alors, mais la matrice de nègre, là, j'avoue que bon, je voulais te soumettre un peu. Mais attends, à la fin de la vidéo, t'as une miniature d'une photo. On dirait du Jean-Paul Dupré, c'est-à-dire que elle tire la langue et elle se fout deux doigts sur la langue. J'étais bang. Pourquoi? Regarde le titre. Elle dit oui, pour ceux qui m'envoient des insultes dans les messages, voilà ma réponse. Et en fait, elle te fait un fuck et elle tire la langue, la naine. Tu vois, c'est oui. Ouais, mais quand on lui apporte, je sais pas, un bloc de sel qu'elle s'occupe, quoi. Non, mais c'est... Elle veut du foutre de nègre par cascade. Ah ouais, mais oui. Très bien que... Si encore elle faisait du fromage, même pas. Moi, je la verrais bien, tu vois, avec d'autres. Porter le trône d'un roi nègre. En fait, tu vois, les naines du roi. Ça ferait un beau film, ça. Les naines du roi. Les reines du roi. Je la vois bien qu'un petit bagne, ouais. Oui, je dis pas les bouffons du roi, tu sais, tu prends le nain et tu le jettes, hein. Non, c'est... Non, les naines du roi nègre, voilà. Putain, mais 14 000 vues, hein, c'est un gène, hein. 14 000 vues, c'est absolument ignoble. 34 000 abonnés. Oh la vache. 34 000 abonnés. Ouais. 34 000. Putain, il y en a des fétichistes. Oh là là là. Sale naine, des coups de trick, le génocide des nains. Ah, mais ça. Oh putain, ouais, bon, ça m'inspire pas plus que ça. Moi, ça m'inspire. Oui, non, mais. Ça m'inspire. Non, mais la naine, quoi. Elle est con comme une valise, hein. Ça se non, voit. Allez, on va se quitter sur un moment fort de l'histoire européenne, avec des gens qui ont vu un peu plus loin que nous, hélas. À bientôt, les amis. À bientôt. Salut. En Allemagne, en 1939, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des médecins vont participer à la mort de leurs propres patients. Comment sont-ils arrivés là? Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une chose qui fait partie de moi depuis toujours, et peut-être me parler à moi-même aussi pour essayer de comprendre pourquoi je suis attirée que par les personnes basanées ou black. Vous voyez autour de vous les psychiatres allemands. Grisés par le vent nouveau qui souffle sur le pays, se mettre majoritairement au service de l'idéologie nationale-socialiste. Cette idéologie s'appuie sur des concepts d'hygiène raciale cautionnés par beaucoup de vos confrères. Elle affirme qu'il existe une hiérarchie entre les êtres humains et que cette hiérarchie a un fondement biologique. J'ai vraiment envie de vous répondre à cette question, pourquoi que les blacks et les basanés, mais je ne sais pas vous répondre. Je suis peut-être autodidacte que les autres choses ne me correspondaient pas. Et afin d'éviter la contamination par ces êtres inférieurs, les nazis élaborent un plan dont la première étape sera la stérilisation. Les dégénérés se reproduisent sans vergogne. Leur progéniture, le plus souvent des fous, des criminels, des prostituées. La stérilisation leur permet de ne pas transmettre leur misère à d'innocents enfants. Nous voulons un peuple fort et génétiquement sain.